D'autre part, du ciel, nous sommes privilégiés de pouvoir se tourner vers ta parole. Des milliers de croyants, des milliers de tes enfants ont souffert et ont payé de leur vie pour que cette Bible se transmise de génération en génération, afin que ta parole soit étudiée par tes enfants. Parce que c'est le seul moyen que nous avons de savoir ce que tu penses de nous, ce que tu veux de nous, du plan que tu as pour ton Église. Et on veut l'étudier, Seigneur, avec toutes les capacités que tu nous as données, avec tous les moyens que nous avons. Nous voulons étudier ce saint livre, afin premièrement de te glorifier et de te faire connaître comme tu le veux bien. Que ton esprit puisse nous diriger ce matin, afin qu'on puisse partir d'ici avec de meilleurs outils dans nos vies pour te connaître. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez pris pas mal de temps pour travailler, étudier. Je ne sais pas si ça vous encourage à aller encore plus loin dans votre désir d'être équipé personnellement pour étudier. Moi, je fais un peu de menuiserie, puis à chaque fois, je m'achète un nouvel outil. Je trouve que c'est plus facile de travailler. C'est des affaires que tu fais des fois pendant des années, puis tu les fais avec un outil qui n'est pas vraiment adéquat, mais tu le fais, ça passe, ça marche. Là, tu achètes le vrai outil. Ah! C'est donc le fun. Puis un peu la Bible, c'est un peu pareil. Des fois, je découvre des nouveaux logiciels, des nouveaux programmes, des nouveaux sites web qui me facilitent le travail et qui me disent, ah, je peux faire ça. Comme cette semaine, j'ai trouvé un site en Europe que tous les commentaires de John MacArthur en français peuvent être téléchargés sur la Bible online. Ah, hein? Tu m'envoies ça? Faut-tu les achètes, par exemple? C'est pas gratos. Mais que tu peux les prendre, tu sais, puis tu dis, ah, c'est fait, c'est rendu là. Fait que tu peux acheter tous les commentaires. Ils ont juste les quatre évangiles de prophètes encore. Mais tous les commentaires de John MacArthur en français, tu peux les télécharger et les mettre sur ta Bible online et aller les vérifier qu'est-ce que MacArthur a dit. Puis je me dis, ah, c'est quelqu'un qui est intéressé à voir. Mais puis là, j'ai découvert qu'en français, en anglais, MacArthur l'a fait en anglais. Puis il y a un petit logiciel comme Online Bible, mais fait juste avec MacArthur. La Bible que John MacArthur, avec ses commentaires, ses affaires, tu peux acheter ça, c'est une cinquantaine de piastres. C'est en anglais. Fait que je me dis, ah, tu peux avoir tout le travail d'une vie. Le gars, il a fait ça pendant 40 ans. Ben, il met ça sur un petit site online. Tu fais 50 piastres, c'est tout son travail. Hey, moi, je me dis, hey, c'est tout un affaire. C'est quasiment 50 euros, 50 piastres. Si c'est un repas au restaurant, quasiment aujourd'hui avec ta femme, c'est ça, c'est 50 piastres facilement. Tu dis, hey, tu peux tout avoir ce travail-là. Fait que je me dis, je trouve ça intéressant de trouver ces petits outils-là qui nous permettent de mieux étudier, de mieux comprendre les Écritures dans ce sens-là. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois? Comme la première, on a vu, c'était le contexte large que vous aviez étudié. Étudiez le contexte large de votre texte. Parce que là, dans le fond, on n'a pas encore... Ce matin, on va voir comment étudier le texte que vous avez choisi. Mais là, on a vu le contexte large. Je m'en choisissais un texte. Oui. J'avais pas saisi qu'il fallait avoir un texte. Lui non plus. Vous n'avez pas compris ça. C'est Isabelle qui m'a fait réaliser ça. Mais quand tu m'as appelé, je t'avais dit ça. J'ai relu ton chose. Je dis, ah, c'est vrai. Peut-être dans le devoir, c'était bien marqué. Faites l'esquisse. Contexte, parce que dans le numéro 3, c'est marqué écrivez une demi-page sur le contexte immédiat de votre texte. Mm-hmm. Là, c'est, ça que c'est là que ça se faisait. Oui, c'est là que j'ai comme plus réalisé. Je l'ai fait comme ça. Étudier le contexte. Oui. Ben, dans les devoirs en bas, c'était là qui était le la petite chose. Vous devriez choisir votre texte à ce moment-là, puis étudier le contexte. Mais tant que tu étudies le contexte alentour de ton texte, tu n'as pas commencé à étudier le texte encore, mm-hmm. comme tel. Wow. Mais la plupart des pasteurs, ou des étudiants, ou des croyants, font ça à l'envers. Ouais. Ils essaient de comprendre le texte, puis là, c'est comme s'ils étaient en arrière, parce que c'est bien plus dur. Puis souvent, ils ne feront pas le travail, puis là, ils étudient le texte, puis ils disent, mais le texte a dit ça. Mm-hmm. Mais, oui. Mais nous, veux-tu redire ça? Souvent, ils vont le faire à l'envers. Mettons qu'il y a un bout de... Ils lisent les Bibles. Ouais. Puis ils essaient de le comprendre, le petit bout de texte qu'il y a là. Mais c'est pas ça qu'on a fait. Non, nous, on a fait l'autre bord. Il fallait étudier le contexte. Nous, il fallait prendre le livre. On a pris le livre. Puis après ça, la structure, puis le plan. Okay. Puis là, on arrive au contexte. Plus rapproche. Puis là, on arrive au texte. Là, ça va être plus facile. Parce que là, tu arrives avec un bagage dans le texte. Et c'est absolument, les chrétiens font le contraire. Ils viennent me voir avec un verset. Ils disent, ça veut dire quoi le verset? Parce qu'ils essaient de le comprendre, mais ils n'ont pas fait de travail alentour. C'est un peu normal que c'est comme ça que ça se passe. Puis ils n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas appris à faire des... Oui, j'enregistre, oui. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Et quand vous avez fait le travail de votre contexte large. Puis ça, ce contexte large-là, vous allez voir à travers les années qu'il va vous suivre puis il va vous servir dans d'autres livres. Parce que ce que tu as appris sur, mettons, la culture juive en étudiant l'Évangile de Jean, ça va te servir dans Matthieu aussi. Ça va te servir dans les autres places. Donc, si tu étudies un peu de géographie dans l'Évangile de Luc, bien, ça va te servir dans la même géographie aussi parce que c'est la même chose dans Marc, dans Jean. Ça va te servir aussi pareil, là. Donc, tu vas accumuler la connaissance, puis des fois, tu vas arriver d'étudier un livre, tu vas déjà avoir un gros bagage dans ta tête en commençant. Donc, il y a des choses que moi, mettons, je dis, je vais étudier Colossiens, bien, je n'ai pas besoin d'étudier. C'est qui l'auteur? Je le sais, c'est Paul. Je vais étudier Paul ailleurs, puis je connais l'arrière-plan de Paul, puis je sais son milieu familial un peu, son milieu social, qui était un pharisien, né de pharisien, était un juif, était un hébreu, était un scolarisé, c'est un homme qui était très instruit. Donc, je sais un paquet de choses de Paul en commençant Colossiens. Donc, c'est pas comme la première fois que j'ai étudié sur Paul. J'ai fait beaucoup plus de recherches. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention. Que ça va vous aider à sans vous en rendre compte, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez lire un texte de la Bible, puis vous allez avoir des réponses automatiques parce que vous allez avoir accumulé les données à travers les années. Et là, c'est « Ah, oui, c'est ça, ah, c'est ça. » Comme, c'est important de pouvoir faire ça. Donc, ce matin, on va aller à la troisième leçon, sur étudier le texte. Étudier le texte. Là, on rentre dans le verset ou dans le texte que vous vous posez des questions ou que vous voulez enseigner. Mais peut-être c'est juste en train de lire votre Bible. Puis, il me semble, là, j'aimerais ça faire des recherches. Là, on arrive dans le texte. Là, ça devient plus pointu. OK? Plus pointu dans ce sens-là. On va lire en commençant. Nous avons vu que de situer le texte dans son contexte est une des étapes les plus difficiles, mais les plus importantes. Nous continuons cette fois à regarder une autre étape pour étudier notre texte. Première étape. Apprendre le texte par cœur. Quand je dis par cœur, vous n'êtes pas obligé de tout savoir, tous les petits mots, toutes les virgules. OK, comme là, on a pris comme le contexte. Comme moi, j'ai pris comme Épître aux Philippiens. OK? Puis là, j'ai fait un plan. Ouais. Ben, j'ai trouvé des affaires là, qui expliquaient un peu. Puis là, je vais choisir un petit texte, puis c'est celui-là ouais. que je vais étudier ouais. dans Philippiens. Oui, c'est ça, oui. Dans Philippiens, mettons, tu dis, je vais étudier Philippiens 2, chapitre 1 à 5, verset 1 à 5. OK. Mais sur verset là, 1 à 5, tu devrais, autant que possible, le savoir par cœur. Okay. Et j'ai marqué, il faut le lire, le texte, et son contexte, au point que vous le savez par cœur. Lisez-le dans toutes les versions que vous avez et notez les différences dans les traductions. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir, dans vos Bibles online, avez-vous déjà marqué que vous pouvez mettre plusieurs Bibles ensemble, une en dessous de l'autre? Mm-hmm. Vous souvenez-vous? Vous pouvez marquer... je veux avoir, mettons, la Bible sommaire, la Bible seconde, la Bible Darby, la Bible... Vous allez avoir 4 versets 4, 4 verset 5, 4 verset 6, 4 verset 8. Vous allez avoir tous les versets un en dessous de l'autre. Vous pouvez tous les lire différemment. Ou vous pouvez mettre toutes vos bibles d'un côté de l'autre, dans différentes fenêtres, les ouvrir, les différentes versions. Donc, vous pouvez les mettre, des fois vous pouvez vous ouvrir une espèce de page sur un document Word, puis marquer au côté second, puis marquer, mettons, les quatre, cinq versions que vous utilisez, puis voir les différences. Parce que des fois, vous allez voir que dans les différences, vous allez dire, pourquoi cet auteur-là n'a pas le même mot en français? Pourquoi il a pris d'autres mots? Des fois, on le voit, c'est tout du pareil. C'est tout des fois, c'est quasiment du... Voyons donc, ça ne me dit pas la même chose, les traductions. Fait que là, ça va vous donner une idée que, si c'est plus c'est différent, plus ça veut dire que votre texte, est, dans le texte original, dans le grec, n'est pas facile à traduire en français. C'est qu'il y a assez de différences pour les différents traducteurs prennent des tangentes un peu différentes les uns des autres. Mais le but de faire apprendre par cœur, c'est que vous allez pouvoir le méditer partout. En mangeant, en vous couchant, en auto, en marchant. Vous allez avoir votre texte dans votre tête, puis là, puis il va quasiment vous envahir. Il va quasiment vous envahir la vie. Vous allez vous promener de... Ah oui, là, ça va vous revenir en marchant. Puis, des fois, j'étais dans mon char, puis j'étais... Ah ouais, c'est ça. Puis, tu peux le visualiser par cœur. Puis à cause des études que tu as faites avant, tu as le contexte large avec toi dans ta tête qui suit. Tu sais, j'étudie Jean 3,16, je peux... Ouais, Jésus, il avait vu Nicodème, il dit parlait, puis il a dit ça. Ah, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Puis là, comme le serpent est élevé dans le désert, le fils de l'homme va être élevé. Puis là, je l'ai tout dans ma tête, ça. Sans m'en rendre compte, ça va m'aider à comprendre Jean 3,16. Mais ça, je peux le faire n'importe où, parce que je l'ai appris par cœur. Mm-hmm. Moi, je me souviens de monter à Toronto, ça me prenait, mettons, 7 heures. En m'en revenant, le samedi ou le lundi, je préparais mon sermon dans ma tête en m'en allant chez nous. Puis j'avais chez nous, puis j'écrivais tout mon sermon, il était tout fait. Je l'avais fait dans le char, m'en venant. Parce que je connaissais mon texte par cœur, puis je le méditais, puis je... Des fois, j'avais une enregistreuse dans mon char, au côté de moi, puis je parlais dans mon char, puis j'enregistrais mon sermon, puis je le faisais. Ouais, mais Paul a dit ça, l'argument c'est comme ça, là, ça suivait comme ça. Puis il me semble qu'on peut faire un lien avec l'autre passage là. Puis, j'avais chez nous, mais mon sermon était fait. Pourquoi? Je savais le texte par cœur. Puis j'arrivais chez nous, mais mon premier point, ça va être ça, mon deuxième point, ça va être ça, mon troisième point, ça va être ça. Puis j'arrivais chez nous. Mais si j'avais pas fait ça, si j'avais pas connu mon texte par cœur, j'aurais pas pu tout méditer ça dans ma tête, dans ce sens-là. Donc, le fait de l'apprendre par cœur, ça va vous aider à pouvoir le travailler en vous en allant n'importe où. Puis le fait d'avoir, mettons, si vous avez pris, comme toi, tu dis Philippiens, ou l'autre, toi, tu as pris Jacques, toi, Galate, puis toi? Colossiens. Bon. Là, si tu as lu Colossiens pendant un certain temps, là même, tu as plus que juste ton texte, tu as tout ton livre dans ta tête, presque. Mm-hmm. Fait qu'automatiquement, tu peux jouer avec ça. Puis là, j'écoutais cette semaine John Piper sur l'Épître aux Romains, puis il disait, dans les premiers 17 versets, c'est comme une espèce d'introduction à tout le livre. Et donc, il dit, pour comprendre un peu ce qu'il dit dans les premiers versets, ça va t'aider si tu connais tout le livre de Romains. Puis je voyais que lui, sans le dire aux chrétiens dans l'Église, il avait fait du travail, puis il savait son livre par cœur. Il connaissait Romains quasiment par cœur. Puis Romains par cœur. Moi, quand j'enseigne un livre, comme là j'enseignais Matthieu, quand j'ai parti de Mont-Tremblant, je savais Matthieu par cœur. En commençant à enseigner Matthieu, je savais Matthieu par cœur. Pas tous les mots. Mais je pouvais tout te dire, chaque chapitre, de quoi ça parlait partout, dans tous les chapitres. Je pouvais tout te dire, je l'avais dans ma tête. Ma structure, comme vous avez fait votre structure, j'avais toute ma structure dans ma tête, Je disais dans Matthieu 1, il parle des généalogies, l'ange apparaît à Joseph, ensuite tu avais les mages, tous les enfants de Rachel qui sont morts, ben, je pouvais toutes les nommer, toutes les histoires, fait que je savais tout dans ma tête, mm-hmm. avant de commencer à enseigner l'évangile de Matthieu. Fait que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je rêvais de Matthieu, je mangeais du Matthieu, je lisais du Matthieu, je faisais juste, c'était juste ça. Puis c'est ça qui devient intéressant dans... pour un enseignant. C'est ça qui devient intéressant. Puis c'est ça qui te protège le plus. Puis quand tu viens devant l'Église, tu parles, mais tu ne parles pas de quelque chose que tu as fait la veille. Ça fait des mois, des années que tu étais là-dedans. Fait que c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus intéressant pour tout le monde. C'est plus à l'aise. Beaucoup plus. Puis même quand tu enseignes, il peut devenir une pensée. Puis là, tu le dis. Parce que ça devient, là, en parlant, d'un verset que tu as vu dans l'autre chapitre avant. Mm-hmm. Tu vas faire des liens. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de savoir par cœur votre texte, mm-hmm. puis votre contexte. Puis je vous encourage de passer du temps, d'être toujours à l'avance, surtout si vous voulez enseigner, d'être à l'avance dans votre travail pour que vous arriviez à enseigner étant comme imbibé de votre affaire, de votre travail, de votre leçon. Ça, c'est le côté le plus intéressant, le plus facile, je dirais, d'apprendre par cœur. La deuxième étape, étudier la grammaire. Est-ce que vous êtes fort en français? Pas pire. Pas pire. J'en ai si, perdu, mais si vous êtes fort en français et en grammaire, vous avez déjà un très bon outil pour étudier les Écritures. Parce qu'on oublie souvent que c'est écrit en français, puis les gens qui l'ont écrit ont tenu compte de la grammaire. Donc, j'ai marqué, c'est dit comme, ça c'est Sproul qui m'a enseigné ça la semaine passée, je pense, ou cette semaine. J'écoutais un enseignement de M. Sproul, comme j'ai marqué, comme nous autres, mettons que moi je t'écris une lettre, puis je vais mettre l'emphase sur un mot. Je vais l'écrire, je vais le souligner, je vais le mettre en parenthèse. Là, on parle en termes d'ordinateur, je vais le mettre en gras, je vais charger, je vais changer peut-être le style d'écriture. Pour quand tu vas le lire, tu vas arriver là, oh! Il sort du texte, là. Wow! Là, il veut vraiment que je m'arrête sur ce petit bout-là. Les Juifs le faisaient, mais pas de la même façon que nous autres. Mais il faut que je sois capable de savoir ça un petit peu. Mais les Juifs, eux autres, ils répètent le même mot. Mais c'est ce qui est enseigné aussi dans... J'ai pris des cours en ressources humaines quand j'étais au cégep, puis ils disaient que si tu veux que les personnes comprennent, il faut que tu le répètes au moins 3 fois. Ouais. Dans ton exposé, tout ça, il faut que tu répètes au moins ouais. 3 fois la même chose. Mais les Juifs, ils vont dire comme... Qu'ils retiennent un pourcentage. Mais comme Jésus disait, mettons, en vérité, ça, c'était... Il soulignait le mot, là. Mm-hmm. Il mettait en caractère gras. C'est les Juifs faisaient ça comme ça. Ils ne soulignaient pas les mots, ils ne mettaient pas en caractère gras. Ils le mettaient une fois, deux fois. Puis cette semaine, j'écoutais un sermon de Sproul, puis il disait « Saint, Saint, Saint. » C'est la seule fois dans la Bible qu'on met 3 fois le même mot de suite. C'est la seule fois. Puis c'est la seule attribut qu'on fait ça. On ne dit pas « Dieu est amour, amour, amour », mais il est « Saint, Saint, Saint ». C'est leur façon, eux autres, de dire « souligner, caractère gras », c'est leur façon. Fait que ça, c'est important pour moi, que quand je lis mon français, ma Bible, pourquoi je me souviens d'avoir posé la question, quand j'étais jeune chrétien, pourquoi il dit « en vérité ». Je m'en disais au pasteur, à mon pasteur, puis il ne savait pas. Mais pourtant, moi, ça fait 30 ans, puis c'est la première fois qu'on me dit ça, c'est leur façon de faire ça. Fait que ça m'a... Là, et cette semaine, il y a un chrétien qui me pose une question sur l'Épître aux Hébreux. Puis là, il me dit, pourquoi il répète, il est mort pour nous pardonner nos péchés et nos iniquités? Ah, il fait-tu une répétition? Ça me revient tout de suite dans ma tête. Il fait-tu une répétition? Pourquoi il dit ça 2 fois de suite? Pourquoi il ne fait pas juste dire, il est mort pour nous pardonner nos péchés, point. Ou nos iniquités, point. Mais il dit, nos péchés et nos iniquités. Fait que là, il est en train de mettre une emphase, probablement la même chose. Et là, ça... Ça, c'est du français, c'est de la grammaire, c'est de la... C'est, et ça, ça devient important dans ton... dans l'étude de ton texte. Si l'auteur, il met deux, trois fois le même mot, ah, là, je le sais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire. Puis comme on voit ça, là, c'est important. Puis j'ai marqué, si vous êtes fort en français, cela va vous aider. Si vous êtes faible, prenez un cours de grammaire française, je vous encouragerai. Mm-hmm. Si vous voulez vraiment devenir un étudiant, puis vous voulez vraiment enseigner, je vous dirais, prenez un cours en grammaire française, prenez un cours en français pour comprendre comment le français fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a des deux points, quand il y a des points-virgules, quand il y a des parenthèses, étudier le temps des verbes, parce que le temps des verbes est important. Comme si je vous dis, il a pris un imparfait, ou pourquoi il y a un plus qu'imparfait, pourquoi il y a un participe passé, pourquoi il y a un passé simple, pourquoi ça a une importance. Si je vous dis, il mangeait des pommes, ou si il mange des pommes, Il y a quelque chose là, qui est en train de me dire quelque chose. Pourquoi? Il y a des fois, c'est une action qui a lieu une fois, des fois, c'est une action qui a lieu, qui a commencé dans le passé, qui continue aujourd'hui. Des fois, vous avez été sauvé. Ah, c'est une chose c'est fait une fois dans le passé, c'est terminé. Mais ça, c'est c'est le temps du verbe qui me dit ça. Puis dans la langue originale, il y a peu plus de temps de verbe. Puis le grec est plus précis dans le temps des verbes que le français. Des fois, tu vas avoir une nuance pour le faire qui va t'aider. Il y a une nuance dans le grec qui va t'aider à comprendre ton texte. Là, on est plus loin dans ça. Tout à l'heure, je vais vous montrer qu'il y a un programme sur l'Online Bible, un commentaire qui fait ça. Ça s'appelle RWP. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais qu'on passe sur d'autres choses. Donc, comme j'ai marqué dans le 2C, attention aux figures de style. Exemple, métaphore, une antiphrase. Si je vous dis, c'est quoi une antiphrase? C'est des choses qui étaient intéressantes à aller savoir. C'est la même chose que métaphore? Non. Ou une antiphrase, c'est... tu vas prendre tu vas dire le contraire. Tu vas dire le contraire de ce que tu veux dire pour que ça ressorte. Mais toi, quand je vais dire, y avait-tu beaucoup de monde qui est venu? Oh, il n'y en avait pas, juste un peu. Okay. Mais le mot juste un peu, c'est pour te dire qu'il y en avait beaucoup, mais j'ai pris le mot juste un peu. Mais on va être. Il n'y en avait pas juste un peu. Puis vous allez voir que, selon ma compréhension, on va l'étudier, pas ce dimanche, l'autre fois, je vais revenir, avec le juge unique. L'enseignement du juge unique, l'auteur a enseigné le contraire. Il a dit le contraire pour nous faire dire la vérité. Il ne veut pas qu'on fasse comme la femme avec le juge unique. Puis les chrétiens disent que c'est ça qu'il faut faire. Puis je crois que l'auteur a pris une méthode d'instruction. Il a dit le contraire. Cette femme-là est venue plusieurs fois, il a cassé la tête pour avoir ce qu'elle voulait, mais il dit avec Dieu, tu n'as pas besoin de faire ça. Il a fait une façon... d'enseigner ou d'écrire que des fois, si on ne comprend pas l'auteur, qu'est-ce qu'il est en train de faire, on manque le bateau complètement. Donc, c'est important que vous compreniez bien la grammaire, les prépositions, si je mets une virgule entre les mots, au lieu de mettre un « et », comme vous savez dans Éphésiens, de 1 à 10, ou 1 à 12, je pense, dans le grec, c'est juste une phrase. Dans le français, il y a plusieurs phrases avec des points dessus. Mais dans la langue originale, il y a juste une phrase. Paul a fait une phrase pendant 14 versets. Fait que là, quand tu sais ça, tu dis, oups, il faut faire attention, il ne change pas. C'est une idée continue. Donc, c'est important que qu'on comprenne ça autant que possible. J'étais allé voir sur Internet. Vous pouvez avoir des grammaires online. Marquez, chaque fois des recherches, des grammaire française en ligne, gratis, mettons. Ils vont vous donner des sites. Puis, mettons, vous dites, vous allez marquer, mettons, manger. Puis, ils vont vous expliquer, si vous marquez manger, ils vont vous expliquer ce que ça veut dire, ça. Il a mangé. Ils vont dire c'est un verbe au passé composé qui veut dire telle affaire. Mais vous savez que dans votre Bible online, vous l'avez, ça. Vous allez tourner avec moi. Dans votre Bible online. Si vous, vous mettez les chiffres strong, vous êtes ouvert avec les chiffres strong? Il faut aller dans la fenêtre. Vous dans la fenêtre ou tu peux acheter, tu peux peser à droite sur le texte avec ta souris. Okay. À droite sur ton texte. Tu vas voir numéro strong. Là. Et là, allez, prenez-vous un verbe. Comme moi, on va te prendre tout le même. On va s'en aller dans Jean 3,16. On va prendre tout le même texte. Non, c'est numéro strong. Non, t'as pas baisé. Mets-toi dans la même place. Clique à droite sur ta souris. Là, tu peux l'as-tu déjà utilisé? Oui. Mm-hmm. Ben, pas aujourd'hui. Clique donc ici. Dans le semeur, c'est peut-être à côté d'un. Ah, ok, dans le semeur. Mets-toi dans la Bible. Oui, c'est long. Oui, voilà. Clique dessus maintenant. Tu vas l'avoir peut-être. Regarde, numéro strong. Parce que les numéros strong sont juste dans la Louis Seconde. Ah, ok. Ils ne sont pas dans toutes les Bibles. Okay. Bon, ça, vous avez appris. Vous avez d'aller dans Jean 3,16. Mm-hmm. Hein? Okay. Si vous venez dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Vous avez le mot aimé qui est là. Vous avez le numéro 25 et 56. Si vous cliquez sur 56, êtes-vous tout rendu là? Okay. 56. OK. Si vous cliquez dessus, c'est marqué tant aoris. Le verbe est une voix active, c'est un mode indicatif. Donc, si vous cliquez là-dessus, mettons aoris, ou je ne sais pas un petit peu, je vais voir si c'est sur. Un petit peu, je ne sais pas. C'est-tu, c'est sur 57 ou 56, ouais. Si vous dites, mettons sur. C'est parce que normalement, il apparaît juste en cliquant, en se mettant à côté. Mais si tu cliques dessus, tu vas pouvoir cliquer sur temps et voir. Ouais, si tu cliques sur le temps, ça va, le temps aoris, là. Il vous dit c'est quoi? C'est une grand-mère, dans le fond, puis il est en français, en plus. Il vous dit, le temps aoris, ça marque une action ponctuelle. Ça veut dire une action qui se fait une fois, qui finit. Donc, ça va vous donner, c'est une grand-mère que vous avez sur votre BIM online, qui va vous donner c'était quoi un participe passé, c'est quoi l'indicatif, c'est quoi le... Et vous avez ça en français sur votre BIM online. Mais vous pouvez aller sur Internet, vous en chercher une que vous aimez aimé peut-être plus, puis le travailler avec. Puis dire, bien, je sais pas toutes les autres, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi, cette expression-là? Qu'est-ce que c'est, ça, cette affaire-là? Donc, la Bible online le fait pour vous autres. Et ça, vous devez apprendre ça. Vous dire, j'ai un verbe, a aimé, c'est un passé, passé composé, a aimé. Donc, ça veut dire quoi? C'est-tu fait dans le passé? Dieu a tant aimé. Si c'est un passé composé, normalement, c'est une chose qui est faite une fois. Dans le passé. Ça veut-tu dire que Dieu aime plus le monde aujourd'hui? Dieu a aimé le monde d'une façon très spéciale, une fois en envoyant Jésus, en donnant Jésus. Ça s'est fait une fois, ça. Il ne le fera pas. Il l'a donné une fois, c'est terminé. Donc, le verbe au passé composé va vous dire ça. C'est une action ponctuelle. C'était fait une fois dans le temps et ça ne se refera plus jamais. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Et ça, c'est vous autres qui devez développer cette compréhension-là de la grammaire et d'aller aller de plus en plus loin là-dessus. Puis, eux autres, dans la Bible online, ils font à partir du texte original. Ils vont dire le texte, là, est original. Donc, ça, vous devez voir. Est-ce que le texte parle d'une action qui est passé. C'est-tu quelque chose qui a été fait à quelqu'un particulièrement, puis qui n'est pas fait à tous les chrétiens? C'est-tu quelque chose qui est répété à toutes les fois, toutes les chrétiens, ça arrive-tu à tous les croyants tout le temps? Non? Vous devez travailler votre le temps. Passé, c'est fait. Paul parle à des gens, c'est là, ils sont en train de vivre ça. Comme cette semaine, je disais aux chrétiens qui me posaient la question, j'ai dit, écoute, je pense, si je me souviens bien, le texte dans Hébreux 10, ce que tu me dis là, je pense que l'auteur cite un passage de l'Ancien Testament. Il dit, tu sais ça par cœur? Ben, je pense que oui, je pense que c'est, je le sais assez pour savoir ça. Il va voir, il dit, c'est bien ça. Mais je savais, moi. Aussi, j'ai pas, mais pas ce que j'ai fait dans le passé des études. Mais j'ai pas besoin de. J'ai des choses qui me viennent à l'esprit que je me souviens, tout simplement. Donc, mais quand il cite dans cet Testament, je dis, je fais attention, là. Ça ne s'interprète pas tout à fait de la même façon. Je fais attention. Donc, dans ce sens-là. Donc, cherchez votre grand-mère, le temps des verbes. Est-ce que la grand-mère m'aide à comprendre mon texte? Est-ce que c'est comme. Le fruit de l'esprit. Pourquoi il met le fruit au singulier? Puis le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la foi, la valeur, puis un homme 7-8. Comment ça qu'il dit le fruit? Nous, on aurait tendance à penser les fruits de l'esprit. Il y en a juste un fruit, puis il nomme 7-8 affaires. Puis là, c'est le fruit de l'esprit. Donc, c'est pas mon fruit. C'est le fruit de quelqu'un d'autre. Ça, c'est toute la grand-mère. C'est toutes des choses qui devraient être dites par le texte sans qu'on. Ça prend pas besoin d'être spirituel pour ça. Là. Un inconverti peut comprendre ça. Là. C'est de la grand-mère, c'est en français. Donc, tu t'analyses, tu fais ce qu'on appelle de l'exégèse, de la synthèse, de texte. Tu sais, juste comprendre ton texte en français. L'auteur dit à telle personne que ça, puis tu décortiques, tu mets ton texte. OK? La troisième étape, c'est étudier les mots. J'ai marqué dans le 3A, rappelez-vous que le meilleur dictionnaire ou le meilleur outil pour trouver le sens d'un mot est son contexte. Donc, cherchez le sens naturel du mot dans le texte que vous étudiez. Cette semaine, j'écoutais un prédicateur, puis il a pris un passage dans Romains 1, 17. Il dit, pour vous expliquer qu'est-ce que le mot dit, il dit, je vais prendre un texte plus loin. Je me dis, pas sûr qu'il fait la bonne affaire. Là, il est en train de faire le contraire pour moi. Il aurait dû dire, dans le texte ici, c'est ça que ça veut dire, c'est confirmé par quelque chose plus loin. Mais tu ne devrais pas m'expliquer mon mot aussi par un texte plus loin. C'est pas la meilleure affaire à faire. C'est un danger. Mais parce que deux expressions, deux mots pareils peuvent vouloir dire deux choses différentes dans deux contextes différents. Donc, c'est vous autres qui devez dire, dans le texte ici, qu'est-ce que le mot veut dire simplement? Tu sais, je suis en train de parler avec toi, puis je te dis un mot, mais je veux pas partir dans un argument de 25 pages. Dans mon texte, dans ma discussion avec toi, le mot peut-être vouloir dire juste une petite chose. Tu sais que le mot peut être plus large de sens, mais ma discussion veut que tu te limites à une petite partie de ce qu'il veut dire. C'est ma discussion avec toi qui va délimiter ça. Non, je ne parle pas de ça. Je parle juste de ça. Je parle de toi, et puis on a notre discussion, je te parle à Montréal. Je parle de quelque chose sur la rue Sherbrooke. Je ne veux pas que tu me parles de toute la rue Sherbrooke qui mesure, mettons, 10 000 de long ou 10 km de long, mais je te parle de la rue Sherbrooke juste devant le magasin McDonald's, juste là. C'est ça que je veux que tu t'arrêtes. La rue Sherbrooke, là. Parce que dans ma discussion, je te parle de ce petit bout-là de la rue. Mais tu vas te dire, ouais, mais sur la rue Sherbrooke, il y a toutes sortes d'affaires, tout ça. Oui, mais je ne te parle pas de ça. Donc, c'est toi qui dois, dans la discussion, dans l'argument de l'auteur, dans le texte que tu étudies, qu'est-ce que l'auteur veut que tu penses quand tu lis ça? Qu'est-ce qu'il lui voulait dire à Nicodème? Qu'est-ce qu'il lui voulait dire à l'église de Colossiens? Qu'est-ce qu'il voulait leur dire en lisant? Comme je te disais hier, il y en a qui enseignent un texte, mais ils font de la thématique dans un texte comme ils enseignent Jean 3,16, puis là ils vont dire « Dieu a tant aimé ». Puis là ils vont commencer à parler de l'amour de Dieu pendant trois sermons. Mais ils vont faire le tour de la Bible sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est comme ci, l'amour de Dieu est comme ça. L'amour... Mais quand l'auteur a parlé, puis il dit quand Dieu a tant aimé le monde, il ne voulait pas qu'on parte dans tout. Il voulait juste qu'on comprenne une idée. Dieu aime, puis a donné son Fils. Donc, c'est pas... Pas commencer à dire, mais l'amour de Dieu, c'est-tu agapé que là, c'est quoi le terme dans... Non, non, il y a juste une idée bien normale qui est là, qui sort. Et sans ça, on fait ressortir dans le texte qu'est-ce qui n'est pas là. On doit essayer de comprendre les mots en général. Quand je te parle, les mots n'ont pas plus tu es instruit, plus que tu parles à un groupe instruit, plus tu peux parler par des concepts. Ok, tu te vas à l'université, puis tu prends un cours, le gars va présumer que tu sais des choses. Donc, mais si je présume que je parle à des nouveaux, puis que je dis, nous avons un Dieu trinitaire, puis je continue sans m'arrêter, je prends pour acquis que tu sais c'est quoi, comment ça marche. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, le gars qui est là, qui est assis dans la salle, qui comprend. C'est quoi qu'il croit, il parle? C'est le musulman, dans le fond de la salle, vous dites, quoi il parle? Un Dieu trinitaire? Je ne sais pas. Mais si je sais qu'il y a un gars comme ça, je devrais dire, vous savez, Dieu le Père, Dieu le Jésus qui est à Dieu, l'Esprit, les trois ensemble font juste un. C'est parce qu'ils sont pareils, ont la même personnalité, le même caractère, les mêmes attributs. Ah, là, tu vas comprendre un peu mieux. Mais si je parle à un groupe qui a une connaissance générale du texte, du sujet que je parle, je peux résumer ça par... Mais il faut faire attention de voir est-ce que Paul veut faire ça ou s'il ne veut pas faire ça. Donc, mais il faut se rappeler toujours qu'il parle... excusez. À une église, la lettre est écrite pour être lue devant l'église. Donc, il ne prend pas pour acquis que c'est tout déjà instruit, qu'ils connaissent toutes les affaires. Et donc, c'est à nous autres de faire attention. Vous remarquerez, quand Jésus parle avec les gens de la foule, s'il parle avec les pharisiens, c'est pas pareil. S'il parle devant des juifs, s'il parle devant des non-juifs, quand Paul parle dans les Actes des Apôtres, il parle devant des juifs, il parle d'une telle façon. Il parle devant des non-juifs, il parle d'une autre façon. Toi, quand tu lis et que tu interprètes, tu dois tenir compte. Hop! Oh, il parle à des Grecs. Donc, il ne peut pas leur dire « Moïse a dit » avec le même contenu qui s'y dirait ça à Nicodème. Donc, j'écoutais Don Carson, il n'y a pas tellement longtemps, qui enseignait Jean 3 avec Nicodème, puis il dit, quand vous lisez Jean 3, vous devez tenir compte que Jésus parle à le gars le plus brillant d'Israël, peut-être. C'est pour ça qu'il part avec des idées très conceptuelles. Il faut que tu naisses de nouveau. Il n'aurait pas dit ça à la femme pécheresse sur le bord de la rue qui avait remis l'école. Il parlait avec un enseignant, puis l'enseignant d'Israël, le doyen de l'université. Il parlait avec ce gars-là. Puis il dit, quand lui répond, il ne faut pas le prendre pour un cadre. Quand il dit... « Je vois-tu rentrer dans le sein de ma mère? » C'est pas un niaiseux qui dit ça. Il avait compris que Jésus était en train de parler de faire des figures de style. Jésus n'était pas en train de lui dire... Il avait compris que Jésus n'était pas en train de dire « Il faut que tu meurs pour que tu renaisses dans Nicodème. Il faut que tu recommences dans le sein. Faut que tu rentres dans le sein de ta mère. » Puis quand Nicodème a répondu, il n'a pas répondu en passant « Faut-tu que je rentre dans le ventre de ma mère? » Non, non. Et du tout, il a continué à répondre de la même façon que Jésus parlait. Puis il fait ressortir cette pensée-là. Donc, parce que Jésus parle à un homme très instruit, très connaissant, et il lui dit, comme le serpent est élevé dans le désert, il n'a pas fait de lien à savoir, il a expliqué, c'était quoi? Nicodème, il savait. Il savait l'histoire par cœur, c'était un enseignant, il connaissait l'affaire. Donc, mais il n'aurait peut-être pas fait ça avec la femme sur le bord du chemin, ou avec un aveugle-né qui n'a jamais été à l'école de sa vie. Il n'aurait peut-être pas dit, le serpent... Il n'aurait pas dit ça comme ça. Donc, toi, en étudiant ton texte, le mot que tu vas étudier va avoir plus de contenu ou moins de contenu, dépendamment à qui l'auteur parle. C'est toi qui dois faire ça parce que tu as étudié ton texte, ton contexte plus large. « Wow, Ah, il parle à Nicodème, c'est là. C'était les deux bolets. Jésus puis Nicodème, les deux bolets d'Israël, se parlent. Ils ne se parlent pas de la même façon que deux gars qui n'ont jamais été écoles. Tu dis, c'est comme ça. Faut que tu tiennes compte de ça. Vous lisez les journaux, lisez la presse, lisez le Montréal le matin. C'est pas écrit de la même façon. Parce que ça ne s'adresse pas au même groupe. Ça ne s'adresse pas au même groupe dans la société. C'est rare que tu vas voir quelqu'un qui n'a jamais été à l'école ou presque pas été à l'école qui va lire la presse. Il n'ira pas à la presse. C'est trop compliqué pour lui. Donc, c'est important de que tu comprennes ça, que quand la Bible parle, c'est la même chose. Jésus a parlé à Nicodème, il parlait à Nicodème comme un homme instruit qui était un savant, un théologien. Puis tu lis, tu continues, puis tu vois Jésus parler avec l'aveugle-né au réservoir de Siloé. C'est pas le même langage. C'est pas le même langage. Parce qu'il parle avec deux personnes différentes. C'est vous autres qui devez, quand vous étudiez les mots, dans son contexte, vous allez donner un sens plus large. Le mot va être plus pesant, dépendamment à qui il parle, Vous allez voir que Paul, quand il enseigne, qui écrit, puis que Pierre écrit, c'est pas la même façon. Ils n'ont pas la même façon d'écrire. Pierre est un homme qui était un homme pêcheur. Paul est un érudit. Paul, c'est un doctorat. Paul avait fait des grandes universités, si on peut dire comme ça. C'est un intello, c'est un manuel. Ils n'écrivent pas de la même manière. Fait, toi, quand tu lis, il faut que tu tiennes compte de ça. Le gars qui parle, quand tu dis que l'Épître aux Romains est utilisé dans les universités aujourd'hui, avec les avocats, il démontre aux avocats, par l'Épître aux Romains, comment gagner un argument. Tu dois deviner ce que le gars à qui ou le jury, tu dois deviner qu'est-ce que le jury se pose comme question pour répondre. Au Québec, ça, au Canada? Oui, partout, dans les universités, où se font des enseignements des droits, ils utilisent l'Épître aux Romains à 20 reprises pour montrer, parce que Paul dit, quelqu'un va dire que, là, lui il répond, peut-être que vous allez dire que, lui il répond, puis là il devance ce que tout est en train de penser, puis les questions que tu te poses, il répond. Puis, tu ne les as pas posé la question, mais il les devine. Il anticipe les questions que tu as. Donc, toi, tu dois comprendre ça, puis tu dois tenir compte de ça. Fait que quand vous avez... À un moment donné, Pierre, il dit Paul, il écrit des choses difficiles à comprendre. C'est un peu compliqué, mais tu sais, pourquoi? Parce que Paul était dans un autre milieu. Mm-hmm. Un milieu d'érudit. C'est un homme qui était un érudit. Ils disent que... Il y en a qui essaient de voir quel c'était un homme qui avait un quotient intellectuel, probablement, nous autres on dirait aujourd'hui un génie. Paul est un génie. Donc c'est intéressant de voir que Dieu a utilisé un génie pour écrire. Un homme très, très capable, très brillant, qui a été capable d'écrire plus que la moitié du Nouveau Testament. C'est pas pour rien que Dieu fait ça. C'est pas choisi au hasard. Puis là, je dis, bon, mais trouvez le contexte immédiat. Puis dans le B, c'est marqué « Trouvez l'emploi du même mot dans le livre que vous étudiez. » Ensuite, dans les autres livres du même auteur, et finalement dans le reste de la Bible. L'emploi du même mot. Donc, mettons, vous avez le mot « justification » dans l'Épître aux Romains. Vous pouvez chercher, directement dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, vous allez dire, mais Paul, dans l'Épître aux Romains, il l'emploie ailleurs, ce mot-là? Dans le livre de Romains. Là, vous allez voir, il dit, il l'utilise 20 fois. Parce qu'avec la Bible en ligne, vous pouvez savoir ça comme ça. Puis même, vous pouvez chercher dans votre Bible, en ligne, si vous prenez le chiffre strong, cherchez le mot, le chiffre strong dans l'Épître. Parce que vous savez que vous pouvez chercher par le chiffre. Hein? Okay. Vous pouvez marquer, chercher, tout à l'heure, on a vu 56-56. Cherche-moi 56-56 dans l'Évangile de Jean. Il va te sortir 56-56. Mais en français, vous allez voir que tu vas avoir le mot aimer, puis d'autres façons d'être traduit en français. C'est-à-dire, le même mot revient, mais il n'est pas traduit pareil. Pourquoi? Ça va vous donner une idée. Tout à l'heure, on va voir, je vais donner un exemple à la fin. Comment dans Corinthiens, le mot liberté peut être traduit pouvoir. Même mot est traduit pouvoir, deux pages plus loin, pourquoi? Ça dit que le mot a un sens très large. La liberté, c'est un pouvoir. C'est pas juste je fais ce que je veux. En tout cas, il y a des nuances là. C'est que ça, c'est en faisant la recherche. Puis là, ben, vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Comme j'ai marqué comme le mot lumière, si vous lisez Jean 1, au commencement était la lumière, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Si vous lisez ça, dans Jean 1, vous marquez au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, rien qui a été fait sans lui, puis il a tout créé, puis tout ça. Puis là, il dit, et la lumière, là, tu dis la lumière, c'est quoi, c'est-tu les étoiles, ça? Mais si tu fais une recherche de lumière dans tout l'évangile de Jean, tu vas savoir que Jean parle de la lumière spirituelle. Puis il parle des ténèbres spirituelles. Mais si tu avais lu juste les cinq premiers versets de l'évangile de Jean, tu aurais pensé qu'il parle de la création. Mais Jean, c'est pas ça que lui utilise le mot lumière dans l'évangile, il ne l'utilise pas dans ce sens-là. C'est ça que Jésus va dire un peu plus loin, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Quand Jésus dit qu'il est venu, la lumière a habité dans les ténèbres, il ne parle pas dans l'univers, il parle sur la terre. Les ténèbres spirituelles du monde dans lesquelles on vit, nous. Donc ça, c'est en faisant la recherche, parce que si toi tu prends juste le mot, tu dis, le mot ici veut dire ça, dans mon sens, je dis, bien là, ça semble vouloir parler des étoiles. Là, je vais faire un peu plus large, si l'auteur, c'est comme, elle dit, ah non, l'auteur n'emploie pas ça comme ça, l'emploi de lumière dans l'évangile de Jean, c'est pour montrer de la lumière spirituelle. La lumière spirituelle. Donc, si vous cherchez un mot, et que vous avez un mot qui est comme lumière ou ténèbres dans Jean, ou le mot croire, le mot croire dans l'évangile de Jean revient, je pense, c'est 97 fois ou 96 fois. Je pense qu'il veut qu'on croie. Hein? Parce qu'il avait dit au bout, il avait dit à la fin, j'ai écrit les choses afin que vous croyiez. Donc, 90 fois, ça veut dire sur 20-quelques versets, 20-quelques chapitres, trois fois par chapitre, il dit croire, croire, croire, croire. Il veut qu'on croie. Mais là, ça va donner une bonne compréhension. Qu'est-ce que Jean veut dire par le mot croire? Puis quand vous avez fait le mot dans le livre, vous pouvez faire la recherche du même mot dans l'ensemble des livres de l'auteur. Avez-vous déjà remarqué que être rempli de l'Esprit, il y a juste un auteur du Nouveau Testament qui emploie ça? Avez-vous déjà pensé à ça? Ça nous dit beaucoup. Pourquoi que lui, il y a juste lui qui emploie ça, qui dit ça? C'est Luc qui l'emploie, juste Luc. Une fois, Paul, une fois dans Éphésiens, soyez rempli de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, au contraire, soyez rempli de l'Esprit. Lui, il l'emploie une fois là, mais tous les autres fois, c'est Luc qui a utilisé ça. Fait que là, je devrais prendre le temps de voir qu'est-ce que Luc veut dire par rempli de l'Esprit. Est-ce qu'il y a rien que lui qui l'utilise, cette expression-là? Parce que Luc, c'est l'évangile de Luc. Exact. Juste dans ces deux livres-là qu'on retrouve cette expression-là. Fait qu'en faisant le tour d'être rempli de l'Esprit, dans les actes, je devrais aller voir, est-ce que Luc emploie ça aussi dans son autre livre, dans l'évangile de Luc? Oui, il le fait. Est-ce qu'il donne le même sens partout? Si, dans le même sens, sur, mettons, 50 fois, c'est toujours la même chose qu'il l'emploie, dans mon texte, il ne peut pas vouloir dire autre chose vraiment. Normalement, il va l'utiliser dans le même sens que les autres fois. Normalement. À moins que le texte me dirait que cette fois-là, là, il a vraiment changé d'application. Mais normalement, si sur 50 fois, les 49 autres fois, c'est toujours pareil, je devrais dire la 50e fois, c'est aussi pareil. Ça va m'aider à dire, ah, bon, mais l'auteur, quand il dit être rempli d'esprit, qu'est-ce qu'il veut dire? Pardon. Puis vous allez remarquer que ça, vous allez faire la recherche du mot. L'expression était la voix passive. Ça veut dire quoi? Que le sujet subit l'action. Pierre étant rempli d'esprit, c'est quelque chose que lui fait, c'est quelque chose qu'il subit. Ça veut dire que Pierre s'est pas rempli de l'esprit. Pierre était rempli par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait de quoi dans Pierre? Comment de fois, moi je me suis fait enseigner que fallait que je fasse de quoi, moi, pour être rempli de l'esprit. Le texte, toutes les fois que Luc l'emploie, c'est toujours un verbe au passif. Tout le temps, tout le temps. Tu dis, moi, je pense que je devrais comprendre quelque chose. Mais ça, je découvre ça comment? Dans l'étude de mon mot. L'étude de mon mot. Surtout quand vous avez des mots que vous n'avez pas besoin. Là. C'est dit Pierre et Paul s'assit sur la roche. Tu peux pas, tu commences pas à te poser des questions s'il est assis sur une fesse ou deux fesses. Non, c'est facile, cela. Mais il y a des termes qui sont un peu plus touchés. Comme étant rempli d'esprit, tu dis, comment ça qu'il y a juste Luc qui emploie ça? Mathieu ne l'emploie pas. Je trouve ça intéressant parce que je t'écoute. Non, vas-y, vas-y. Ben, le verset que j'ai choisi, ben, le verset, le bout de phrase, hein, le texte, si tu parles de ça, là, ça me fait poser des questions. Okay. Ben, puis quand, là, tu dis, est-ce que Paul, quand il dit être rempli d'esprit, ça veut dire la même chose que Luc? Ah! Paul était l'enseignant de Luc. Il a travaillé avec Luc pendant des années, dans les Actes des Apôtres, je vois ça. Il a travaillé avec Luc pendant des années. Peut-être qu'ils ont la même signification, parce qu'ils ont travaillé ensemble. Peut-être. Donc là, je voudrais faire attention. Donc, dans ce sens-là. Donc, ça, c'est des... C'est, et votre sens, vous allez le voir plus global. Bon, mais là, je pense que l'auteur, à 99% du temps, ce mot-là, pour lui, veut dire ça. Fait que je ne devrais pas trop me tromper en disant que le mot veut dire ça. Si vous prenez le mot lumière, Jésus dit que j'étais la lumière du monde, ben je ne me trompe pas trop en pensant que c'est une lumière spirituelle, c'est-à-dire qu'il nous fait comprendre les choses, il nous révèle quelque chose par rapport à Dieu. Je ne pense pas que je dois voir Jésus qui brille. On le voit sur des images. Avez-vous déjà vu ça chez Catherine? Jésus est dessiné sur une photo, mais il est bien, bien brillant, parce qu'il est la lumière du monde. C'est pas ça que ça veut dire. Tu ne voyais pas un aura, tu sais, quand Jésus marchait sur le chemin, là. C'était pas la lumière dans ce sens-là. C'est une lumière spirituelle. C'est-à-dire que, ouais, que quand il est apparu à la folle, il s'était brillé un peu? Non. Dans les actes? Non. Non, ça dit. Ouais, il y avait une lumière. Ah oui, OK, oui. Ouais, c'est pas dit que c'était Jésus la lumière, ça pouvait. Ça pouvait être un peu dans le sens que quand il y a eu la transfiguration. Okay. La transfiguration aussi dans ce sens-là. Mais règle générale. Oui, on comprend ce que tu voulais dire. Règle générale. Mais ça, c'est quand vous faites l'étude de votre mot que ces choses-là vont sortir. Vous avez un mot-là. Vous n'êtes pas sûr du sens. Ah, je vais faire le tour du livre. Dans mon évangile de Jean, qu'est-ce qu'il veut dire? Pour bien comprendre l'Apocalypse, c'est intéressant de voir dans l'évangile de Jean, dans les trois épîtres de Jean, et dans l'Apocalypse de Jean, c'est le même auteur. Fait que quand je peux voir, est-ce que le même auteur emploie le mot dans le même sens partout? Fait que c'est important. Quand Jean parle de la lumière dans l'évangile, puis il parle de la lumière dans l'Apocalypse, est-ce que c'est la même chose? Des fois, non. Des fois, oui. Fait qu'il faut que je fasse attention. Mais des fois, j'ai vu, à cause que Jésus a dit qu'il était la lumière dans l'Évangile de Jean, il transpose le même sens dans l'Apocalypse du mot lumière. C'est pas dire que c'est toujours la même chose. Fait que si je prends un mot lumière dans l'Apocalypse, il faut que j'aille faire l'étude dans l'Apocalypse aussi pour comprendre ça. Fait que vous allez voir que vous allez devenir plus sage, plus prudent quand vous allez dire « ça veut dire ça ». C'est-à-dire, j'ai pas fait moi recherche. Je pense peut-être que ça peut dire ça, mais je vais faire des recherches. Avant de vous lancer et de dire, ça veut dire ça, ça veut... Fait que des fois, au début, je disais ça quand j'étais jeune chrétien. J'étais bien... Puis après, avec les années, je disais, ben, je vais donner la réponse la semaine prochaine. Je m'en allais chez nous, je cherchais, j'avais fait mes devoirs, je peux dire, je cherchais dans la semaine d'ensuite, je disais, ouais, mais je pense que le texte veut dire ça. J'étais plus prudent, parce que j'avais tendance à dire, ah, ça veut dire ça, sans avoir fait vraiment de recherche. Puis des fois, je suis correct, des fois, je n'étais pas correct, simplement, dans ce sens-là. Fait que faisait attention. Consultez les lexiques ou les dictionnaires pour faire l'étude des mots. Oui? Un lexique, là, c'est quoi ça veut dire? C'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire. Ouais. Ou dictionnaire, c'est la même chose. C'est un mot qui c'est deux livres qui expliquent le sens des mots, simplement. Faites attention, quand vous prenez un dictionnaire, le petit Robert de 2008, ça ne veut pas dire qu'il donne le même sens en français que le texte que vous avez. Vous avez une seconde, 1910, ça ne veut pas dire que le français a le même sens qu'aujourd'hui. Il y avait 100 ans de différence. C'est pour ça qu'ils ont fait la sommaire, c'est pour ça qu'ils font la Bible en français courant, pour adapter le français aujourd'hui. Parce que le traducteur, un bon traducteur de la Bible, va prendre le mot grec. Là, il va dire, bon, le grec, il veut dire ça. Quel mot en français reflète, aujourd'hui, reflète ce que le gars a dit en grec il y a 2000 ans? Fait que peut-être Louis II a pris le bon mot pour son temps, Peut-être le Semeur a une meilleure traduction aujourd'hui pour notre temps. Donc, c'est pour ça que lisez plusieurs Bibles. Puis, si vous avez le choix, puis avec le online, vous avez un peu le choix, prenez une Osterwald, qui est du 17e siècle, mettons, puis vous avez une Louis II, 1910, puis vous avez une Semeur, 2000. Vous allez dire, ah, j'ai une bonne idée de trois siècles. Ils traduisent tout pareil. Ouais, c'est pas mal tout pareil. Ah, bon, c'est correct. J'ai une bonne idée. Faut faire attention. Des fois, j'écoute Piper ou Carson, ils vont dire, ah, la NIV, la nouvelle traduction des Chinois anglais, ouais, on traduit ça, mais ils se sont trompés, ils n'auraient pas dû changer. Selon eux autres, ben, eux autres, ils peuvent dire ça, c'est des spécialistes dans le grec. Moi, je ne peux pas faire ça, mais ils peuvent le faire. Ils n'auraient pas dû. Comme l'autre jour, le Piper, il disait, dans Romains 1,17, il dit, comment est-ce qu'il disait ça dans Romains 1,17? Mais il dit, dans la langue anglaise, dans le verset 18, ils ont enlevé « parce que ». Puis il dit, il faut que le mot soit là, parce que c'est une continuité entre les deux. Dieu allez le voir, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Allez le voir, parce que je voulais juste vous montrer dans Romains, chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car la colère de Dieu, tu non, il ne dit pas lui. La colère, verset 18 dit, la colère de Dieu, en français, ils l'ont enlevé. Vous remarquez, si vous avez, mettez vos numéros sur 30, vous allez voir qu'il y a un numéro au début du verset 18, mais il n'est pas traduit. C'est Romains 1, 17, 18. Voyez-vous au verset 18, il y a un numéro 1063 qui n'est pas traduit. Mais ben, si vous cliquez dessus, vous allez voir, c'est marqué. Car, parce que. Ça, c'est guéar, ça sent en grec. Ça, c'est car. Puis en bas, c'est marqué traduit car ou parce que. Parce que. Pourquoi la colère de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé? Pourquoi Dieu a envoyé son fils? Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est sur le monde. Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur le monde. Puis dans certaines Bibles, vous allez avoir le mot parce que. Dans la Bible, vous ne l'avez pas. Pourquoi ils l'ont enlevé? Tu ne sais pas trop. Mais si vous regardez, mettons, la Bible en Semeur. Parce que tu as l'impression qu'il arrête là, puis là, il commence d'autres choses. Mais c'est un suivi. Ensemble, puis quand vous prenez la Osterwald, car, lui, ils l'ont traduit, les autres. Car la colère de Dieu se déclare. Quand vous avez un car, mais c'est parce que c'est l'explication. Pourquoi Dieu a envoyé son fils? Pourquoi Dieu a envoyé une bonne nouvelle? Pourquoi Dieu a voulu sauver les gens? Parce que la colère de Dieu était sur le monde. J'avais vraiment remarqué ça. Donc, Darby l'a marqué. En anglais, ils l'ont dans la American Standard Bible. C'est « for the wrath of God », parce que la colère de Dieu. Donc, pourquoi que dans la Bible, second, ils l'ont pas mis? Aucune idée. Fait que là, il y a peut-être une faiblesse. Es-tu dans la nouvelle Semeur? Semeur? Non. Ils l'ont pas. D'après ça, en français courant, ils l'ont pas? Non plus. La crampon, en effet, eux autres, ils ont mis. Ah, ça, en effet, la Bible, les traductions catholiques le mettent. La Bible a noté, car la colère de Dieu se révèle sur du ciel. Donc, là, il dit, Dieu a envoyé son fils, la bonne nouvelle. La justification, pourquoi Dieu a envoyé son fils? Pourquoi Dieu a envoyé une bonne nouvelle en Jésus? Parce que la colère de Dieu était là sur la terre. Fait que là, c'est pour ça que Dieu fait quelque chose. Tu sais, là, mais ça, c'est des. Tout à l'heure, on parlait de la grand-mère, mais vous savez, quand le mot car est là, c'est l'explication du verset d'avant. Pourquoi Dieu a fait ça? Car. Dans J.E.R. 2, là, il nous marque en effet. C'est ça, en effet. Donc, si vous allez chercher dans votre grammaire française, en effet, ça veut dire quoi? Ça veut quoi pourquoi cette expression? Ça veut dire quoi cette expression-là? Ça veut dire la raison de. La Bible de Jérusalem. Jérusalem, oui. Deux. Ça veut dire parce que probablement que quand il y a le deux au bout, c'est parce que probablement les paroles de Jésus sont en rouge. Okay. Par rapport à. Comme moi, j'ai une Darby 3. La Darby 3, ils ont mis en italique, ils ont mis des couleurs. C'est juste pour marquer que c'est une nouvelle version. cette affaire. OK? Ça, je veux dire. Donc, vous devez, vous autres, faire ça dans, quand vous cherchez dans vos dictionnaires, dans vos, vous devez aller voir. Puis quand vous faites une recherche dans un dictionnaire, souvenez-vous que le dictionnaire, vous devez aller voir le sens, le mot dans le dictionnaire biblique. Parce que le mot dictionnaire biblique va vous donner un petit peu des nuances différentes. OK? Parce que des fois, si vous allez voir le mot grâce dans le Petit Robert, c'est la définition catholique du mot grâce. Parce que dans notre culture générale, on emploie le mot grâce pour telle affaire. Dans la culture québécoise, c'est la version catholique. Mais quand vous allez chercher dans la Bible le mot grâce, c'est un petit peu différent. Puis je vous encourage à aller toujours dans vos dictionnaires, que vous avez dans la langue Bible, vous avez les encyclopédies, les Emmaüs, le phénomène. Vous avez des vieilles et des nouvelles. Ça vous encourage des fois à vérifier des vieilles et des nouvelles. Voir un peu les choses différentes. Puis vous avez des commentaires. C'est toujours d'avoir un commentaire plus vieux, plus jeune. On va y voir sur ma confesse à leçon 4. On va voir des commentaires. C'est marqué, attention, le sens aujourd'hui n'est pas toujours le sens au temps de Jésus. Habituellement, les traducteurs vont prendre un mot contemporain qui est l'équivalent de celui qui est au temps de Jésus. Mais attention, comme vous savez, le mot amour, quand Dieu aime, le mot amour, quand la Bible a dit aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas le même sens que Céline Dion quand elle dit qu'elle chante de nous aimer les uns les autres. On va dire partout pareil. Quand nous, on lit la Bible, qu'on voit le mot amour, vous devez vous aimer les uns les autres, on a de la misère en tant que chrétien à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on a la pensée de l'amour contemporain aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est pas la même chose du tout. Aujourd'hui, Piper disait, en 1968, quand tu étais jeune pasteur, tu te faisais persécuter. En tant que chrétien, parce que tu disais, mettons, que les gens allaient en enfer, mettons, en l'an 2000, tu te fais persécuter parce que tu dis que moi j'ai raison, tout à tort. Tu ne peux pas dire ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. C'est un scandale que tu dises à quelqu'un, moi j'ai la vérité, toi tu ne l'as pas. Tu ne peux pas dire ça. Moi j'ai ma vérité, tu as ta vérité. Donc, les mots, il faut faire attention avec toutes ces affaires-là. Donc, le mot change de sens dans la culture. Comme je viens d'avoir fait un cours de Sambek une fois avec un Syrien, un gars qui venait de la Syrie. Puis c'est drôle que vous voyez ça, vous autres, dans la Bible. Nous, on ne voit pas ça. Parce que lui, il n'a pas été élevé catholique, puis dans une autre culture complètement. Puis lui, il disait la Bible, il ne voyait pas ça. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Le texte ne dit pas ça. Tu vois-tu, parce qu'il est né dans une autre culture. Le mot n'a pas le même sens. Et puis, moi, je voyais, on voyait la tendance à voir Marie là-dedans. Lui, il ne connaît pas Marie, je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans. Pourquoi tu dis ça? C'est que moi, je vois ça à cause de ma culture, de mon arrière-plan catholique. Tu sais, là, quand on voit, nous autres, Apocalypse 12, une femme avec des étoiles autour de la tête, qu'est-ce qu'on voit? On voit la statue de la Sainte Vierge avec sa couronne de 12 étoiles, parce qu'on a été élevé avec ça dans cette église. Mais un gars qui a été élevé dans une mosquée, lui, il ne voit pas la Sainte Vierge là partout. C'est quoi cette femme-là avec 12 étoiles sur la tête? Il ne voit pas. Mais si tu vas chercher un commentaire catholique, il va parler de Marie. Donc, il faut faire attention à ça dans ce sens-là. Dans le D, consultez des dictionnaires bibliques ou des livres d'études sur les mots. Là, je vous ai marqué RWP. Robertson New Testament Word Pictures. L'avez-vous dans votre online, ça? Regardez ça. C'est quelque chose que tu pouvais télécharger. Dans les dictionnaires? Non, c'est dans les commentaires. Si vous cliquez à droite sur un texte, vous ouvrez un texte, cliquez à droite, là, vous avez vos commentaires. Clique sur tes notes. Là, dans tes notes. Notes? Oui, dans tes notes. Là, juste notes. Non, juste plus haut, un plus haut. Bon, non, ça, c'est tes commentaires, ça. Okay. Là, RWP, tu ne l'as pas. tu ne l'as pas. Donc, ça, c'est intéressant. Vous, vous irez sur chez vous, sur votre 1, 2, 3 Bible, puis téléchargez RWP. Okay. C'est Robertson New Testament Word Picture. Lui, ce qu'il fait, lui, il va prendre les mots dans la langue originale, puis il va vous dire, le verbe est au passé, Paul l'emploie pour tel sens, c'est un verbe qui est au, à la voix passive, il va vous donner l'explication. Lui, il a fait l'étude du mot. Lui, il a fait l'étude du mot. Lui, il s'est spécialisé, il a fait un livre sur tous les mots du Nouveau Testament, quasiment. C'est le meilleur. Dans son domaine, c'est le meilleur. On vient de sauver une couple d'heures de recherche. Mais vous, quand vous allez là, vous dites... C'est pour ça que moi, je vous dis, comment utiliser les outils, là? Je ne vous dis pas, prends le mot, vous allez tout seul. Utilise les outils qui sont faits. Ça, c'en est un qui est fait. Mais vous allez voir dans les vos commentaires, des fois, ils vont le faire. Si, mettons, vous prenez l'Évangile de Jean, l'interprétation, le commentaire de Frédéric Godette sur l'Évangile de Jean, il le fait, lui, dans son commentaire. Fait que c'est pas un livre à part, il le fait dans son commentaire. Il va utiliser les mots, il va vous dire le temps des verbes, tout ça. Mais, Godette, c'est le meilleur en français, sur l'Évangile de Jean. C'est quoi son... Frédéric Godette. Et moi, je suis en train de me monter, là, pour vous aider, puis aider d'autres que je vais faire les cours, hein. Je suis en train de me monter une liste de commentaires en français que je fais sur Online Bible. Pas sur Online Bible, mais que j'ai mis dans mes favoris. Là, j'ai le mot Bible. Dans le mot Bible, j'ai le mot Ancien Testament, Nouveau Testament. Puis là, dans ça, je rends mes sites web où je fais des commentaires. Puis là, mettons, je dis, je suis en train de faire un évangile de Jean, je vais aller voir quel commentaire j'ai trouvé en français. Puis là, cette semaine, j'ai trouvé Frédéric Godette au complet. J'ai dit, hein? Ah! J'ai dit, oh, même. Je l'ai mis là, sur le côté. Puis là, je vais vous en donner. Puis moi, quand vous faites vos recherches, là, écrivez-là ces sites web-là. Puis partagez-vous-là entre vous autres. Ah, j'ai trouvé, mais qu'on fasse des commentaires, là, j'en ai mis quelques-uns. Je pense que je les ai marqués sur votre feuille, là, ce que je vais donner. Je pense qu'il doit être marqué dans les commentaires. Mais là, allez, là. Si vous le trouvez, vous le trouverez peut-être pas sur 1, 2, 3 Bibles. Si vous ne le trouvez pas sur 1, 2, 3 Bibles, allez le chercher dans Online Bible North America. OK? C'est l'autre site web, mais là, c'est en anglais. Et là, allez chercher là, et dans les downloads, vous allez voir Robertson, en tout cas. Vous allez le trouver. OK, Robertson. Ouais, Robertson, New Testament, World Pictures. Je pense qu'il est dans North America. Parce que j'aurais bien aimé que quelqu'un l'ait traduit en français, mais personne ne l'a fait. Parce que si vous voulez le faire, il faut le faire. Tu dis 1, 2, 3 Bibles, puis l'autre. C'est Online Bible. Online Bible. North America. Ça, c'est un autre site web où est-ce que tu as beaucoup de choses. Ça, c'est en anglais. Ouais, puis si vous comprenez l'anglais, dans ce site web-là, vous allez voir des centaines de livres, de commentaires, de toutes sortes d'affaires mis dessus. Le site web par des chrétiens comme vous autres, puis moi. L'Online Bible, là, du moins, nous autres, on ne garantit pas ce travail-là, parce que ce n'est pas nous autres qui l'a fait. Mais moi, j'en ai téléchargé des affaires. Puis j'en ai mis, puis ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez aller visiter ça, puis dire, j'ai trouvé des affaires de Calvin là-dedans, j'ai trouvé des affaires de... Mais vous avez Hodge sur l'Épître aux Romains. On ne l'a pas dans les sites ordinaires, mais il est là. Je prends Hodge, puis je l'amène dans ma même online. Je le télécharge dans ma même online. Fait que fait que je me montre une bibliothèque de commentaires. Bien, ça prend en anglais, là. C'est en anglais. Mais en français, ils les ont pas faites pour la Bible online, mais tu peux les avoir sur un site web. Mais là, comme là, si quelqu'un veut investir un peu d'argent en français sur la Bible online, MacArthur, tu peux aller chercher tout de suite MacArthur. C'était combien, 50? Non, ça, en anglais, c'est 50 piastres. En français, je pense que c'était 90 euros. C'est 125 piastres. C'est 130 piastres. Mais tu as tout le Nouveau Testament. Puis là, il se met sur la Bible online. Moi, je pensais que j'ai cherché en anglais les commentaires de MacArthur pour les mettre sur ma Bible online en anglais. Ils ne l'ont pas. Paul. Ils l'ont pas fait parce que, oui, c'est en français, ils ont payé un droit pour le... Ou bien non, MacArthur a donné le droit à ces gens-là de le mettre sur la Bible online. Mais en anglais, vu qu'il y a déjà quelque chose qui se vend avec tout ça, mais ne donne pas le droit à d'autres. pouvoir le vendre nous autres à 58 piastres. Mais moi, je ne les achète pas les commentaires à MacArthur. Je sais ce que MacArthur enseigne. J'ai trop écouté quand j'étais jeune chrétien. Pas trop, là, mais j'ai tellement écouté. Quand MacArthur dit quelque chose, je sais qu'est-ce qu'il pense sur tel sujet. Je n'ai pas besoin de le lire. Mais j'ai pris, je l'ai marqué dans les affaires, là, le site web où ce que MacArthur a toutes ces affaires-là en français. J'ai acheté, si vous voulez. Mais ça, là, on est dans les mots. Donc, allez chercher Robertson. Puis si vous en trouvez, il y a un petit dictionnaire français-grec fait par M. Cochrane. C'est pas, je ne pense pas que c'est fait sur le je ne l'ai pas trouvé, je l'ai jamais vu en tout cas sur Internet. Mais il existe. Mais ça, je dirais, faites pas ça, c'est trop compliqué pour ce que vous en êtes. Mais ça, c'est Robertson, là, si vous comprenez assez bien l'anglais, cherchez ce livre-là, puis il va se mettre dans vos commentaires. Tant que quand vous étudiez un texte, vous dites, mais je suis là, comme tout à l'heure, on a vu tel verbe, bien, je vais aller voir ce que Robertson dit là-dessus. Ouais. Fait que là, puis il va donner un petit peu de puis des fois, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à comprendre les textes plus facilement. Mm-hmm. On est dans le « e ». Faites attention de ne pas surcharger le sens du mot, mais vous en tenir au but qu'avait l'auteur. Ceux qui enseignent de petits textes ont tendance à surcharger le mot dans son sens. L'auteur ne voulait pas tout nous dire ça. C'est nous autres qui fait dire ça à l'auteur. Si, mettons, je suis en train d'étudier Matthieu 19 sur le divorce, John MacArthur, il passe, je pense, c'est 7 ou 8 sermons sur ce passage-là. Mais il fait le tour de la Bible sur le divorce. Ce que Paul a dit, puisque c'est ça. L'auteur n'avait pas l'intention de tout dire ça. Il avait juste une idée en faisant ça. Quelle idée il avait en faisant ça? Puis là, essayez de s'en tenir à ça. Je ne dis pas qu'on doit faire jamais faire des thématiques, puis dire, je peux enseigner, faire une fin de semaine sur je ne sais pas moi, on étudie, on fait une fin de semaine sur le divorce, puis on étudie, on fait 5 études ensemble sur le divorce puis le mariage. Mettons un exemple. On peut faire une thématique. C'est correct. Mais il faut faire attention, parce que c'est plus dangereux. Fait que le gars qui prépare son thématique devrait avoir passé beaucoup de temps à étudier pour être certain que ce qu'il enseigne, c'est vraiment ce que la Bible a dit. Mais tu peux faire un texte. Comme moi, je fais des thématiques, mettons, sur la prière, mais j'enseigne 5 textes. Je ne fais pas des ensembles de versets que je mets ensemble. Je vais faire 5 études, mais 5 passages que j'étudie. C'est juste des passages. Mais c'est pas comme... puis vous avez remarqué que dans l'histoire de l'Église, il y a des modes qui passent. Je n'ai jamais pensé à ça, mais c'est bien vrai. Dans la prédication, il y a des modes. Dans le temps de mettons, 1900, c'était tout le monde enseignait par thématique. Des années 60, 70, c'est commencé par de l'enseignement par livre. Moi, quand j'étais sauvé, là, dans les années 70, tout le monde très peu de pasteurs au Québec enseignaient un livre. Mettons, on va enseigner l'Évangile de Jean pendant 2 ans, 3 ans. Personne ne faisait ça, presque pas. C'est commencé dans ces années-là, ça commençait à faire ça. Avant ça, tout le monde faisait des thématiques. Moi, je me souviens d'avoir déjà enseigné un sermon. J'avais 70 versets dans mon sermon. C'était juste des versets que tu disais dans le fond. Puis là, tu disais, je ne me trompe pas, je fais juste citer la Bible. Mais c'était une mode. C'est comme ça que le monde enseignait. Si vous allez voir Spurgeon est appelé le roi des prédicateurs. Ses sermons sont quasiment tous sur la Bible, sur Internet encore aujourd'hui. Puis il est mort, ça fait 400 ans. Mais ses sermons sont encore là. C'était vraiment un orateur fantastique. Lui, il lisait un verset, pendant un mot dans le verset, puis il prêchait pendant 1 heure. Pendant un mot. Mais il était tellement vivant, puis intéressant, puis un homme, il y avait une église qui contenait 5000 personnes. C'est ces années-là, il était en Angleterre. Mais il était tellement vivant, tellement bon orateur, qu'il contait des histoires, il embarquait toutes sortes d'affaires, puis c'était vraiment intéressant ce qu'il disait. Mais c'était le mode. Tout le monde faisait ça dans ce temps-là. Si moi, je serais arrivé et commençais à prêcher comme je fais là, avec tel verset, puis le verset ça, il dit ça, l'autre verset dit ça, l'autre. Il a dit, mais il est malade, le gars, qu'est-ce qu'il fait là? Puis cette semaine, John Piper, il disait, il s'est fait reprocher dans son église que les gens ont dit, « Hey, dimanche matin, c'est pas un cours de théologie hein, qu'on veut, disons. Enseigne-nous la vie chrétienne. On veut savoir quoi faire dans la vie chrétienne. » Puis il lui reprochait d'être trop théologique dans son enseignement. C'est-tu parce que c'est des gens dans son église qui ne sont pas habitués à cette forme d'enseignement-là. Et ça passe par mode. Fait que... Et c'était longtemps que les études là, dans les années 60, là, si tu écoutes des sermons, il y a beaucoup de mots, puis l'enseignement était fait quasiment sur des mots. Le mot était traduit en français, mettons, lumière, mais ça ne voulait pas vraiment dire lumière, puis là, on disait le grec, mon gars. M. Gazic nous avait dit, votre grec, là, laissez ça chez vous, l'Église n'a pas besoin de savoir ça. Vous paraissez bien instruit, mais personne ne vous comprend. Laissez faire ça. Moi, je suis déjà enseignée dans une autre église pendant 20 ans. J'ai enseigné dans les enfants, les femmes, puis l'école du dimanche, puis on cherchait des textes, on cherchait un sujet, puis on allait chercher les écritures, mais on n'allait pas en profondeur comme ça. On essayait de lire le contexte qu'il y avait autour, mais on n'allait pas chercher, on n'avait pas Bible online, on n'allait pas chercher quoi, c'était quel genre de personne. Tu sais, on n'allait pas en profondeur comme ça. On essayait d'enseigner avec par la prière, par l'esprit, mais pas... Moi, je pourrais passer des heures là-dessus. C'est boulot. Parce que, on a l'esprit, il est là. C'est fort. Moi, j'en parle pas parce que je prends pour acquis, vous le savez, cet esprit est là, puis il va nous guider, on va prier, puis vous allez vous asseoir à votre bureau, vous allez prier aussi, là. Mais là, ça, c'est des méthodes, parce que moi, je me dis, le Saint-Esprit va nous aider. Il fait ça, c'est son travail, il fait. Mais nous, maintenant, on fait ce qu'on a à faire comme travail. Donc, il y a une grosse différence quand j'enseigne, mettons, dans Genèse puis dans Apocalypse. Là, c'est deux mondes, c'est 4 milliards d'histoires de différence. Il faut que je fasse attention. Les mots n'ont pas le même sens. Quand on dit que Job était intègre et juste, ça ne veut pas dire la même chose que quand Paul dit que nous, on est juste. C'est deux mondes bien différents. Mais si on dit que oui, ça faisait la même chose, là, on se plante. Mais c'est intéressant d'aller en profondeur comme ça, avec l'esprit en plus, avec la prière que... Le Saint-Esprit nous enseigne, en plus de toute la profondeur où ce qu'on voit, toutes les connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui. Oui. Je te dis que tu enseignes avec la connaissance. Puis... Beaucoup plus, tu es beaucoup plus d'assurance aussi quand tu enseignes. Bien sûr. Puis tu as dû. Puis les gens vont voir. Tu n'as pas juste enseigné, tu apprends à chaque fois. Plus de logique. C'est-tu Sproul ou Brown Piper? Je pense que c'est M. Sproul qui disait ça cette semaine passée que j'écoutais. Il dit qu'ils ont fait un survol aux États-Unis pour demander aux gens qui avaient quitté les églises pourquoi ils avaient quitté l'église. Mettons qu'on passe toutes les gens qui ont passé au Québec dans nos églises, puis là, ça fait 3-4 ans qu'ils vont plus à l'église. Puis ils n'ont plus aucune église. Puis ils ont fait un survol, un questionnaire à ces gens-là. Pourquoi ils avaient quitté l'église? C'est vous les deux premières qui répondent? Un, c'est plat. Deux, ça n'a pas rapport avec ce qu'on vit. Ça n'a pas rapport, le pasteur est prêche, mais ça n'a pas rapport à ce que je veux aujourd'hui, dans ma vie à moi. Ça ne vaut pas d'importance. Ça veut dire quoi dans ma vie, moi, aujourd'hui, ça, là? Les gens n'étaient pas capables. Puis il dit, c'est comme, pourquoi les chrétiens ont la Bible dans leurs mains? Ils savent que c'est la parole de Dieu. Pourtant, ils ne la lisent pas. On sait que très peu de chrétiens lisent la Bible. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. Moi, je suis bien convaincu, si je dis aux chrétiens, à tous les matins, Jésus va être ici à l'église de 6h à 6h30, puis il va nous parler. Les chrétiens vont venir. Pourquoi? Pourtant, là, on a la Bible chez nous, pourquoi on ne le fait pas? Il y a une raison, là. Pas parce que tu es un méchant chrétien, pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, pas parce qu'ils ne sont pas sauvés. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils ne sont pas capables de prendre ce qui est là, de l'appliquer ça dans leur vie, puis de le vivre aujourd'hui. Puis J.I. Packer, dans son livre, sur reconnaître Dieu, il dit la même chose. Pourquoi les chrétiens ne lisent pas la Bible? Ils ne sont pas capables de faire le lien entre le Dieu de Moïse, qui séparait la mer en deux, puis leur Dieu, eux autres, dans leur vie aujourd'hui, puis qui prie Dieu pour avoir, mettons, une guérison d'un mal de ventre, puis ça ne marche pas. Puis, on a-tu le même Dieu que Moïse? Moïse, lui, était capable de séparer la mer en deux, puis nous autres, on va faire rien. Ils ont de la misère à faire. Ils ne sont pas capables de dealer avec ça. Donc, ils laissent tomber. Ils laissent tomber. Donc, c'est dans ce sens-là. Des fois, il y a des gens qui m'ont dit, moi, il me semble que j'ai déjà lu ce passage-là, puis je ne l'avais pas compris. Comment ça que quand toi tu l'enseignes, je le comprends? Ben, c'est parce que nous, on a fait les recherches. Puis on rend ça vivant, puis applicable. Puis je dis, ben, c'est ça que c'est. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, si vous lisez, mettons, je ne sais pas, moi, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Pour nous autres, qui n'ont jamais fait de vin. Ça nous passe un peu par sa tête, on dit, c'est quoi cette histoire-là? On ne met pas un morceau de drap neuf après une vieille habit. Pourquoi? On a déjà fait ça chez nous. Ma mère réparait nos culottes, elle mettait un morceau de tissu, elle mettait après. Parce que dans ce temps-là, c'était pas les mêmes façons de voir. Mais ça, si je comprends leur culture, si j'avais été un juif dans ce temps-là, j'aurais compris tout de suite. Parce que les outres, c'était des peaux d'animaux. Mm-hmm. Puis quand tu mettais le vent dedans, il fermentait à gonfler. Elle étirait, elle étirait, elle étirait, elle étirait, elle étirait. Elle venait grosse, grosse. Là, écoute, c'est comme une ballonne. Nous autres, on dit, ah, Québécois, quand tu as soufflé une ballonne, au plus gros, là elle est au max. Puis là, elle va dégonfler, puis elle va rester plus grosse. Puis là, si tu la ressouffles un autre coup, puis tu veux la souffler encore plus, elle va, paf! Parce que tu l'as tiré plus qu'elle est capable de supporter. Puis quand tu pénètes du vin nouveau, tu mets ça dans une vieille houtte qui était devenue, là, tu l'emplissais, elle était grosse, grosse, mon gars, elle était grosse comme la dernière fois qu'elle avait été tirée. Puis là, elle essaie d'étirer encore une fois de plus parce que là, tu mets du vin nouveau. Fait qu'il fermente. Il veut étirer l'autre encore une autre fois, puis elle a fait. Jésus dit, on ne met jamais du vin nouveau dans une vieille outre. Nous autres, aujourd'hui, on s'en fout, c'est en plastique. Ça ne gonfle pas. Ça n'étire pas, là. C'est un tonneau de chêne. Ça fermente, mais là, on a un trou dessus. On laisse sortir un peu la fermentation, puis on a tous nos systèmes. Mais dans ce temps-là, le vin nouveau était dans des outres neuves. Pour leur donner la possibilité d'étirer. La vieille houtte, si tu mets du vin nouveau dedans, elle va exploser. Tu vas perdre la vieille houtte, puis tu vas perdre le vin. Tu vas perdre les deux. Mais pourquoi Jésus a dit ça? Dans quel contexte? Mais si je ne comprends pas les deux exemples, je ne comprends pas ce qu'il est en train d'enseigner, parce qu'il veut aider à ce qu'on comprenne l'enseignement avec ces deux exemples-là. Nous, on ne les comprend pas. Fait qu'il faut que j'aille en arrière, faire des recherches dans mes dictionnaires bibliques, dans mes commentaires. Si moi, je n'ai pas la capacité de faire les recherches, il va y avoir un commentaire qui est pas mal bien coté, il va le dire, lui. Parce que lui, il va l'avoir fait la recherche. Si vous lisez Frédéric Godette, mettons, sur ça, il va vous le dire, lui. Parce que lui, il l'a fait la recherche. Un jour, j'écoutais c'est Don Carson, puis il disait, j'ai tout lu les livres apocryphes au temps de Jésus. Même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils ne sont pas dans la Bible. Apocryphe. Oui, les livres apocryphes. C'est-à-dire qu'il y a eu des apocalypses écrits par d'autres, il y a eu des évangiles de saint Thomas, mettons. Lui, ils ont lu. Tu dis, je vais prendre je vais écouter ce que ce gars-là a dit, donc, moi, il a chance de se tromper que moi. Moi, je n'ai pas lu, pas un. Donc, ces gars-là ont eu le temps, ils ont le privilège, ils ont la capacité de le faire. Donc, toi, tu lis, tu dis, j'aime mieux écouter Carson qui l'a fait que, mettons, John MacArthur qui ne l'a pas fait. Et Carson devrait être plus capable de m'expliquer ça veut dire quoi. Il y a des chrétiens. Qu'est-ce qu'il dit en gros? Quoi? À quel sujet? Ben, les livres extra-bibliques. Parce que lui, il essaie de nous faire comprendre les styles apocalyptiques, ça veut dire quoi? Ah, okay. C'est le style apocalyptique. Comment tu lis un livre qui a un style littéraire apocalyptique? Puis il disait, dans tous les livres qu'il a lus sur le style apocalyptique, aucun livre utilise les chiffres d'une façon... qui ne marquera pas un temps. Mettons, il va dire le 1000 ans. 1000 ans, c'est pas sûr que ça veut dire 1000 fois 365 jours. Mais c'est toujours un laps de temps. Quand il emploie les chiffres pour marquer le temps, il y a toujours un laps de temps. C'est jamais spirituel. Dans tous les livres, c'est ça. Fait qu'il dit, je suis obligé de croire que quand Jean a dit qu'il y avait un 1000 ans, qu'il y a une période de temps, là. Je ne suis pas sûr que ça veut dire 1000 ans de 365 jours. Mais il y a toujours du temps d'impliquer. Des minutes, des secondes, des heures, mais il y a toujours du temps d'impliquer. Chaque fois qu'il y a des chiffres avec une expression de temps, Là, c'est un, mille un. Il y a toujours du temps là-dedans. C'est vraiment du temps. Mais ça peut être, symbolique, mais il y a toujours du temps. Donc, il dit, il a tout lu. Moi, je n'ai pas lu un, accepter l'Apocalypse. Je n'ai pas lu l'Apocalypse de Paul. Il y a un Apocalypse de Paul, je n'ai pas lu. Mais personne ne semble l'avoir lu. Dans ce sens-là. OK? Fait que faites attention quand vous lisez, dire, l'auteur, dans mon texte que je suis en train d'étudier, qu'est-ce qu'il veut que je comprenne de ce mot-là? Mettez-en pas plus, mettez-en pas moins. S'il est en train de parler de quelque chose, je ne sais pas, un exemple, il faut que vous naissiez de nouveau. Puis là, il dit après, mettons, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Il y a des livres écrits là-dessus. Là. Ça veut dire quoi, cette histoire? T'sais? Puis je n'en ai pas un, à date, qui est arrivé à la même conclusion que moi, fait que je fais attention. Ma carcure n'a pas la même pensée, Carson n'a pas la même pensée, Piper n'a pas la même pensée. Ça veut dire quoi, ça? Être né d'eau et d'esprit. Et là, y a tout le monde c'est un peu... C'est quatre façons différentes? Ouais. Okay. Tout le monde est d'accord à ce que ça veut dire la même chose que de naître de nouveau. Parce qu'en place, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Dans le texte après, il dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Mais c'est la même chose. Mais pourquoi il dit d'eau et d'esprit, ça veut dire quoi, ça? Il y en a qui disent l'eau, c'est l'eau dans le sein de la femme, les liquides amniotiques. D'autres disent l'eau, c'est la parole de Dieu. D'autres, l'eau, en tout cas, ils ont chacun leurs idées. Et moi, j'ai fait la même chose que j'ai fait avec les autres. Si j'étais un Nicodème, au temps de Jésus, bon, Nicodème, lui, c'est un spécialiste dans l'Ancien Testament, OK. Mais les gens qui étaient allés à l'entour, qu'est-ce qu'ils ont compris, eux autres? Et moi, dans mon contexte un petit peu plus large, si je recule d'un chapitre, Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise d'eau. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Je pense qu'il y a un lien entre les deux, là. Mm-hmm. Entre les deux. Et Jean, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Puis lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il parle de ces deux affaires-là, de ces deux genres de baptême-là. Qu'elle dit, tu dois faire comme Jean dit, c'est ce que moi je dis. Les deux sont là-dedans. Parce que le contexte immédiat, il me semble que ça me parle plutôt de ça. C'est juste moi qui dis ça. Là. Mais j'aime mieux prendre cette explication-là, qui est vraie, parce qu'il faut que je me repente. Mais Jean, il dit, il faut vous baptiser, moi je vous baptise d'eau, lui il va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc il dit, pour naître de nouveau, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il fait rapport avec ce que Jean? Jean, ça faisait 6 mois qu'il prêchait ça. Est-ce que Nicodème l'avait entendu? Peut-être que oui. Si oui, il a peut-être fait le lien avec ce que Jean avait dit. En tout cas, l'auteur, moi, qui étais lecteur 2000 ans après, j'ai fait le lien avec la page Javel. Parce que je venais juste de lire. Moi, je vais vous baptiser d'eau, lui, il va baptiser de l'esprit. Puis là, Jésus dit, moi, il faut que tu naisses d'eau, puis il faut que tu naisses. Donc, j'ai fait le lien entre les deux. Mais ça, c'est moi qui ai fait ça. Bon, et là, dans l'EF, j'ai marqué consulter un dictionnaire français pour trouver les différents sens d'un mot, si tel est le cas. Donc, vous avez le dans le F. Donc, faites attention de prendre vos dictionnaires. Des fois, il y a des dictionnaires en français qui vont vous donner une interprétation. N'ayez pas peur. Moi, j'ai toujours, avant d'avoir mon ordinateur, j'avais toujours un dictionnaire sur mon bureau que j'étudiais pour chercher le sens des mots, simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi t'as l'affaire? Ça veut dire quoi t'as l'affaire? Ça veut dire, comme donner une Bible à quelqu'un au bord de la rue, vous dites, un sacrificateur, c'est quoi un sacrificateur? Je ne sais pas. Pharisien? Je ne sais pas. Mais si tu prends un dictionnaire, tu vas avoir une idée, ils vont dire un homme qui faisait partie d'un mouvement religieux au temps de Jésus. Au moins, il y a ça. Il n'y a pas peut-être toutes les données. Si tu prends un dictionnaire biblique, d'où ça a commencé? Savez-vous d'où ça a commencé les pharisiens? Attends, je vous demande ça à vous autres. Donc, c'est intéressant pour vous autres de dire, je vais faire une recherche, c'est qui les pharisiens? Qu'est-ce qu'ils croyaient? Qu'est-ce qu'ils croyaient pas? Sadducéens? C'est qui ça, les sadducéens? C'est qui ça, les sédoniens, les autres? Sédoniens? Les pharisiens, les sadducéens? En tout cas, il y avait un autre, me semble. Les hérodiens? C'est qui cette gang, ces mouvements religieux-là qui avaient autant de Jésus? Les esséniens. Hein? Les esséniens. Est-ce que c'est un autre groupe? Mais c'est intéressant parce que les pharisiens, ça commençait où? Ça commençait quand? D'où ça vient? On n'a pas dans la Bible. Tu lis la Bible dans cette semaine. On ne parle pas. Tu tournes la page, tu tombes dans le Nouveau Testament, plein de pharisiens. Je viens nous autres, ce gang-là. Ils ont commencé pendant le temps de la déportation. On a 400 ans de noir, là, entre le dernier livre de Malachie, l'Ancien Testament, et Matthieu, il y a 400 ans. L'histoire où ce que Dieu n'a pas parlé à son peuple. Pendant 400 ans, il n'y a pas eu de prophète. Les pharisiens ont commencé dans ce temps-là. Dans les synagogues, ils ont commencé. Parce qu'il n'y avait plus de temple. C'est né dans les synagogues. Pendant qu'il est en déportation, ça a commencé là. Quand ils sont revenus, après la déportation, ils ont commencé les mouvements pharisiens dans les petites synagogues. Les synagogues, ça a commencé dans le temps qu'ils étaient en déportation. Dans le temps du temple, les synagogues, ça n'existait pas. Il y allait au temple. Les synagogues ont commencé en dehors. Donc, c'est intéressant parce que vous autres, vous étudiez ça. Jésus parle aux pharisiens, mais pourquoi il leur parle de même? Qu'est-ce qu'il y avait, ces gars-là? Qu'est-ce qu'ils pensaient? Paul est un pharisien, pourquoi? Tu sais, quand vous avez un moment, Paul, il est devant le Sanhédrin, puis il dit, sachant qu'il y avait parmi eux des pharisiens et des sadducéens, il dit, moi, là, je crois à la résurrection! Le bang, la bagarre! Mais il sauve la vie en disant ça, le gars, là. Parce qu'ils sont tous là, toute la gang, pour le tuer. Mais là, il dit quelque chose qu'il sait que dans ce groupe-là, il y en a une partie qui croit, puis une partie qui ne croit pas. Puis il commence à s'assassiner entre eux autres. Ouais, mais peut-être qu'il n'est pas coupable, finalement, le gars. Il pense comme nous autres. Parce que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Puis les pharisiens croyaient à la résurrection. Fait qu'il ne dit pas, moi, j'ai été accusé, puis je suis mis en jugement à cause que je crois à la résurrection. Les pharisiens ont dit, yeah, pas les corrects. Il voulait plus le tuer. Il s'allait sauver la vie. Mais Paul savait ça. Nous, on devrait le savoir aussi. En lisant notre Bible, on devrait savoir c'est quoi un pharisien, c'est quoi un sadducéen, c'est quoi. Parce que maintenant, il est marqué, et les pharisiens, et les hérodiens, les sadducéens se sont mis ensemble pour tuer Jésus. Ils n'étaient pas ensemble avant. Les pharisiens étaient plutôt dans les synagogues, les sadducéens étaient plutôt dans le temple. C'était les politiciens, les politiques. Les autres, ils jouaient avec la politique, avec Rome. Les pharisiens étaient plus purs, puis les autres, ils voulaient venir loin de Rome, puis ils n'ont rien à savoir avec les Romains, ils ne voulaient pas faire d'entente avec les Romains. Les Sadducéens étaient bien prêts à faire ça, d'autres. Ils étaient prêts à faire des petits compromis pour avoir le contrôle. Donc, c'est important de savoir ça, parce que quand Jésus parle avec eux autres, ça nous dit des choses. Ça nous dit pourquoi ils attaquent Jésus. Tu sais, quand, à un moment donné, il envoie, de qui est-ce que... la femme avec qui elle va se marier? Qui pose des questions? C'est des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Fait que là, je comprends qu'il pose la question. Comme nous autres, on dirait, je comprends qu'il pose la question par rapport à Marie, c'est un catholique. Mais si on ne sait pas. Moi, j'étais allé dans plusieurs églises anglaises, où est-ce que les chrétiens qui sont dans ces églises-là, à 99%, n'ont pas d'arrière-plan catholique. Ils nous posent toujours la question quand ils vont. Pensez-vous que les catholiques sont sauvés? Pensez-vous que les catholiques s'en vont aller au ciel? J'ai dit, tu n'as jamais été catholique, hein? Non. Mais si ça a été catholique, tu n'aurais pas posé la question. Mm-hmm. J'ai dit, au Québec, les 20 000 chrétiens que là, ils étaient tous des catholiques avant, puis tu n'as pas sauvé personne. Donc, tout était sauvé, puis on sortit de l'Église catholique. Donc, j'ai dit, tu poses la question parce que tu n'as jamais été catholique. Et tu crois que les catholiques ont toutes des croix, puis ont des croix dans le cou, puis ils parlent de Jésus, ils croient qu'ils croient en Jésus, tu penses qu'ils sont catholiques à cause de ça, sont chrétiens à cause de ça. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Oui, vous autres vont à l'église le dimanche, font la messe, ils prennent le repas du Seigneur, ça aussi, pas de la même façon, mais ils sont chrétiens. Mm-hmm. Ils disent non, si c'est chrétien, il n'y aura pas de purgatoire, si c'est chrétien, il n'y aura pas d'ici, si c'est chrétien, il ne fera pas des œuvres pour être sauvé. Donc, mais eux, ils ne savent pas ça. Si c'est chrétien, il ne ferait pas de formule magique que Jésus rentre dans le train. C'est ça, en même temps, oui. Donc, c'est pour ça que toi, quand tu lis la Bible, tous ces mots-là, c'est important. Je lis sacrificateur. C'est quoi un sacrificateur? Est-ce que je comprends bien, moi, c'est quoi un sacrificateur? C'est à quoi son rôle? Le pharisien, je comprends bien. D'où ça vient, ça? Où est-ce que ça a commencé? Quelle autorité il y avait, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils croyaient, ces gens-là? Parce que la Bible, elle parle, et les pharisiens, elle ne nous dit pas c'est qui. Ils prennent pour acquis qu'on le sait. Parce que les gens, dans ce temps-là, ils savaient. Un rabbin. C'est quoi, c'est un rabbin? C'est quoi ça? Et tu parles-tu à nous aussi, les rabbins, là? Pas les rabbins, oui, les rabbins. Non. C'est ça, rabbin? Oui, ouais, c'est ça. Un scribe, c'est pas rabbin. Rabbin, c'est un enseignant. Mais encore là, les fois, je ne sais pas c'est quoi un rabbin, mais un scribe, c'est qui, c'est quoi, c'est un scribe? Et les scribes, les pharisiens, d'un commun accord, sont venus voir Jésus. C'est qui, sont les scribes? C'est qui, les pharisiens? Des fois, en tant que chrétien, la plupart, je dirais, 99% des chrétiens dans l'Église, ici à Mont-Tremblant, à Val-d'Or, vont lire, vont juste passer par-dessus. Ils n'arrêteront pas. Oh, ils ont une petite idée vague dans leur tête, pasteur, on a dit, je vais parler un petit peu. Ils vont passer. Mais, puis nous, le dimanche matin, on enseigne, mais on ne peut pas commencer par prendre 20 minutes et leur dire, c'est quoi un pharisien? Mais je devrais le savoir. Puis je dois dire, mais les pharisiens croyaient ça, puis donc ils ont posé la question à Jésus par rapport à la résurrection. Mais tu ne commences pas à leur dire, pendant une demi-heure, c'est quoi un pharisien? Tu ne peux pas faire ça. Mais toi, tu devrais le savoir avant d'enseigner. Parce que si tu le dis quelque chose, puis quelqu'un le saurait, il dirait, bien, hey, tu n'as pas fait tes devoirs comme il faut, là. Apprends-les, c'est quoi un pharisien? Donc, ça, c'est des études de ton texte. Tu dis, si tu as le mot pharisien dans ton texte, avant de lancer, tu devrais savoir c'est quoi un pharisien. Tu devrais savoir. C'est quoi le scribe? Pourquoi écrire ça? Et donc, c'est dans ce sens-là que tu devrais... Ça, c'est ton étude de... Donc, tu prends ton texte, tu sais de quoi ça parle dans son contexte, tu cherches la grammaire, le français, puis tu vas trouver le suivi, l'idée, ce qu'on appelle l'idée qui conduit ton texte. Bon, mais là, cette pensée-là de Nicodème qui devait naître de nouveau, puis Jésus dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, puis là, il continue à lui parler, puis il dit, comme le serpent a été élevé dans le désert, moi, le Fils de l'homme, je dois être élevé aussi, afin que celui qui croit en moi ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Oups, il parlait de la vie avant d'être né de nouveau. Il y a une suite, là. Il y a une suite là-dedans. Là. Il parlait d'être né de nouveau, il parlait d'être de l'esprit, de l'eau et d'esprit. Est-ce qu'il est en train de leur dire maintenant comment faire? Ben oui, il est en train de lui dire comment faire pour naître de nouveau. C'est lui qui va être là, en tant qu'envoyé de Dieu, pour qu'il ne périsse point, mais qu'il naisse de nouveau, qu'il ait la vie éternelle. Donc ça suit tout, ça, là. Donc dans ce sens-là. Donc, votre petit devoir. Dites par cœur le contexte immédiat de votre texte et le contenu du texte que vous étudiez à votre enseignant. Vous devriez être capable de faire ça. Je ne passerai pas tout le temps à le faire, mais je pourrais arriver aux côtés de vous autres. Tu vas enseigner quoi? C'est quoi le contexte? J'ai fait ça une fois avec un enseignant à Québec. Oh, il n'a pas aimé ça. Il avait enseigné quelque chose que je ne croyais pas. Je croyais qu'il n'avait pas enseigné le texte. Tu allais le voir après, on s'est assis, on dînait ensemble. Je lui ai dit, peux-tu me dire qu'est-ce qu'il y avait dans Luc 17? Parce que lui a enseigné Luc 18. Ben, je ne sais pas trop, là. Un histoire du fait de devoir comme faut. Faudrait que j'aille. Parce que je ne pense pas t'enseigner dans le contexte. Mm-hmm. Je ne peux pas me permettre ça, parce qu'on se connaissait, puis on avait étudié ensemble, puis ben. des copains. Puis on est restés copains, là, ça n'a mm-hmm. pas été une guerre. Là. J'ai dit, tu l'enseignes, mais tu n'as pas tenu compte du contexte, puis tu n'as pas enseigné ce que le texte est en train de dire. Parce que j'ai dit, normalement, si toi tu enseignes, mettons, dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 2, 1 et 2 ou 1 à 10, je dirais, demande-moi le contexte de ton livre. Parle-moi de ton livre de Colossiens. Tu devrais être capable de me dire, c'est pas qu'il l'a écrit à peu près à telle date, il l'a écrit pour telle raison, il se passait telle affaire dans l'Église, il y avait un problème dans l'Église à ce moment-là, c'est un problème de ci. Comme vous avez dans 1 Jean, tu sais, Jean va dire, je ne vous dis pas de prier pour ce péché-là, c'est un péché qui mène à la mort. Mais le péché, je vous dis, priez pour les péchés qui ne mènent pas à la mort. De quoi il parle? Mais ce n'est pas trop difficile à comprendre dans ma tête. Je tiens compte de tout le livre. Pourquoi Jean a-t-il écrit la première épître de Jean? Qu'est-ce qui se passait avec ces chrétiens-là? Qu'est-ce qui vivait ces chrétiens-là pour que Jean leur écrive ce livre-là? Mais si ça, je le mets dans son ensemble, je me dis, ah, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Mm-hmm. Quel péché qui mène à la mort, que je peux pas prier là-dessus, tu sais, ça. Donc, c'est... Mais ça, si je devrais, moi, en tant qu'enseignant, si j'enseigne, d'être capable de faire ça. Et ça va me protéger, ça va protéger l'Église, ça va protéger les gens autour de vous autres, et ça va vous rendre la vie. C'est pour ça que des fois, je vous disais au début, si vous avez enseigné, vous n'êtes pas habitué, prenez-vous 2-3 mois d'avance, parce que vous allez avoir du temps pour préparer. Donc, c'est pour ça que les vieux pasteurs, au début, ça lui prenait 20 heures, 30 heures à préparer un sermon. Aujourd'hui, ils peuvent le faire en 3 heures ou en 4 heures, surtout s'ils passent dans des livres qu'ils ont déjà étudiés, parce qu'ils savent déjà, ils ont déjà de ce bagage-là d'accumuler. C'est parce qu'ils l'ont dans leur tête, déjà, là. Ils connaissent c'est quoi les pharisiens, ils connaissent c'est quoi les sacrificateurs, leur temple, ils l'ont étudié, ils savent comment ça marche. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit, il m'a parlé quelque chose dans le temple. J'ai dit, non, j'ai dit, tu te trompes. J'ai dit, comment ça? Bien, dans le temple, il n'y avait pas de chaise, tu ne pouvais pas t'asseoir dans un temple. Dans le temple, il n'y avait aucune chaise. Tu étais debout ou à genoux, mais tu n'étais jamais assis. Tu ne t'assisais pas dans la présence de Dieu. Puis là, il m'a dit quelque chose par rapport à quelqu'un qui était assis. J'ai dit, non, non, pas dans le temple, certain. Moi, je savais parce que j'ai appris en allant, dans mes lectures, dans mes études. J'avais entendu ça, j'avais lu ça. Je suis allé en Israël, je suis allé visiter une partie du temps. Ce qui était là dans le temps, il n'y a rien pour s'asseoir là. Tout le monde est debout, ou à genoux, ou prosterné, mais il n'y a pas personne assis. Donc, juste le fait de savoir ça, ça m'aide à comprendre. Je vous dis, vous devez passer du temps, étudier, puis lire, mais, en force de le faire. À cause de l'avoir bien appris sur un sujet, ça va être fait. Vous allez vous en souvenir le restant de votre vie, dans ce sens-là. Définir, j'ai marqué une page, de quel style littéraire est votre texte. Ça veut dire que quand vous étudiez, mettons, vous dites, j'ai choisi un texte dans l'Apocalypse, je dirais, bon, le style littéraire que là, c'est le style littéraire apocalyptique. Parle-moi-en, c'est quoi ça, le style littéraire apocalyptique? Okay. Si vous lisez, mettons, vous autres avez tous pris des épîtres, là. Philippiens, Jacques, Colossiens, c'est tout des épîtres. C'est quoi une épître? Quelle différence qu'il y a entre une épître et un évangile? Quelle différence qu'il y a entre une épître et les actes des apôtres? Les actes des apôtres, c'est pas une épître. C'est le livre des actes des apôtres. Quelle différence? Vous devez me dire, c'est quoi une épître? Vous allez aller où? Dictionnaire. Dictionnaire, c'est pas un dictionnaire français. Dictionnaire biblique, un lexique, une encyclopédie, chercher le mot épître, puis voir, puis dire, bon, mais c'est le mot épître, donc je devrais comprendre, voir, ah oui, oui, c'est bien ça, oui, oui, Colossiens, c'est bien un épître. Donc, ça veut dire quoi, ça? Quelle est la différence? Et parlez-moi-en pendant une demi-page ou une page, je vais marquer une page, là, mais un peu une idée, pour vous compreniez que dans un épître, c'est pas comme un évangile. Un évangile, c'est une biographie. Il y en a qui disent oui, c'est une biographie de Jésus. Il y en a qui disent non, c'est pas vraiment une biographie de Jésus. Donc, il y en a qui disent c'est un récit d'événements. Ouais. Mais l'autre jour, Don Carson, il disait j'ai pas de problème, lui, à dire que c'est une biographie. Ça ressemble à une biographie, mais c'est pas exhaustif. C'est un ensemble. C'est une part de la naissance jusqu'à. Mais. Absolument, ils parlent un peu de la naissance, ils sautent à 12 ans, puis ça, ils sautent à 30 ans. C'est pas. Puis souvent, c'est écrit comme c'est une biographie thématique. C'est pas vraiment une biographie comme on prend la vie de Patrick Samuel. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on penserait. Mais il y a une différence de faire ça. Comme demain, mais qu'on enseigne sur la prière, on va faire ressortir que les évangiles. Vous savez que les évangiles font partie de l'Ancien Testament. La plupart des chrétiens ne tiennent pas compte de ça. Dans le temps, pas dans le livre. C'est Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. Il parle à des gens qui vivent dans l'Ancien Testament. Donc, si je n'en tiens pas compte, il y a un problème dans mon enseignement. Comme vous savez, j'écoutais quelqu'un qui parlait, qui disait, il parlait du sermon sur la montagne, puis il dit, Jésus a dit à l'Église, là, non, non, non, non, non, non, non, dans ma tête, j'étais là, non, non, l'Église n'a même pas commencé. Puis les trois quarts des gens qui écoutent Jésus, peut-être même les 90% des gens qui écoutent Jésus ne sont même pas chrétiens. Pourquoi tu dis qu'il y a dit ça à l'Église? Parce que dans sa tête, les évangiles font partie du Nouveau Testament, puis c'est à l'Église. Puis... Dans ma tête, j'ai dit non. Plus j'étudie ça, ben plus que je t'écoute, puis plus qu'on étudie ça, je réalise qu'il y a bien des affaires qu'on est des patates. Oui, parce qu'on prend juste pas le temps d'écouter, de savoir. On ne se l'est pas fait dire, on n'a pas plus le temps de regarder. Mais comme il y a beaucoup de chrétiens qui enseignent le sermon sur la montagne comme une façon de vivre pour les croyants. C'est exhorte les chrétiens à vivre comme ça. C'est une manière de vivre dans le royaume de Dieu. Moi, quand j'ai enseigné dans Matthieu 6, 7, 5, 6, 7 à Mont-Tremblant, j'ai dit ce que Jésus veut en enseignant Matthieu 5, 6, 7, à Samos la montagne, c'est d'aider des gens à entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas comment vivre dans le royaume de Dieu, c'est comment entrer dans le royaume de Dieu. C'est bien différent. Là, je m'adresse à des inconvertis pour les aider à comprendre qu'ils doivent rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit à la foule, « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. » C'est pour ça que les chrétiens sont déjà dans le royaume de Dieu. Donc, moi, je vais tenir compte de ça. Donc, si j'enseigne, puis le gars qui enseignait dans la Sermon sur la montagne, cette semaine, j'écoutais, il n'a pas tenu compte de ça. Lui, il parle comme si c'était l'Église. Je pense qu'il s'est planté dans son enseignement. Pourtant, ce qu'il dit pouvait être vrai, là. Je dirais, oui, à ce que certains points, ça pourrait être vrai. Mais c'est pas ça que le texte enseignait. Donc, je crois qu'il s'est trompé à ce moment-là. Parce qu'il n'a pas tenu compte que 90% de la foule étaient des inconvertis. Si j'étais un inconverti, moi, puis j'écoutais Jésus parler, là, qu'est-ce que je comprendrais? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, là? Puis sur la prière, on va le voir dans les semaines qui viennent, je ne sais pas si cette semaine, la semaine prochaine, l'autre fois, il dit, à la fin du sermon sur la montagne, frappez et on vous ouvrira, demandez et on vous répondra. Puis c'est pas là, priez, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Il dit ça à la fin du sermon sur la montagne. Nous, on ne met pas là-dedans. On applique ça à la prière directe. Dans la prière, on dit « Ah, si je demande, je vais me donner. » Dans son contexte immédiat, Jésus termine le sermon sur la montagne en parlant de ça. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Qu'est-ce que la foule a compris? Une gang de monde pas sauvé. 90%, peut-être 80% de ceux-là sont jamais sauvés. Donc, moi, je dois l'étudier dans le contexte avant de dire « Ben alors, si vous priez, vous demandez à Dieu, il va vous répondre. Là, c'est marqué. Tu essaies ça, ça ne marche pas. Tu dis, pourtant, il l'a dit. Donc, il faut faire ça. Donc, ça, c'est dans votre texte. Donc, le texte, le contexte général, votre petit texte, Jean 3,16, il parle à Nicodème, tout ça, ça s'est mis ensemble. Assez. Puis, vous savez que les versets, vous savez que les chapitres, ce n'est pas dans la Bible. Hein, ça a été écrit plus tard. Vous savez ça. La Bible n'était pas divisée en chapitres et en versets au début. C'était un livre qui s'est écrit, bon, je devrais dire plutôt comme ça, parce que les Hébreux écrivaient à l'envers, puis les Grecs écrivaient comme ça. Si je parlais des choux, je dirais comme ça. Mais, François était peut-être énervé, puis il a oublié ce qu'il était en train de dire. Il a perdu le fil. Des chapitres. Oui. Donc, des fois, les chapitres sont mal divisés. Il y a une continuité, mais ça, règle générale, tant que vous ne serez pas rendu plus loin que vous êtes rendu là, je dirais, fiez-vous aux divisions qu'il y a dans votre Bible. Fiez-vous à ça. En général, je dirais que c'est pas 50% mauvais. Là. C'est peut-être, il y a peut-être 2-3%, 3-4%, 5% mal séparés des places. Mais dans vos commentaires, des fois, ils vont vous le dire. Bon, ils vont dire, comme là, tout à l'heure, là, en Romains 1, 17 et 18, là, c'est parce que, là, ils devraient pas, mais dans la Bible, il y a une séparation, là. Des fois, les chrétiens ont tendance, quand on lit notre Bible, à arrêter aux séparations. Ah, là, il y a un autre titre, Fait que là, je commence à lire d'autres choses, comme je ne fais pas le lien avec ce qui est en avant. Vous devez faire le lien, vous autres, comme ça, puis de voir, mais fiez-vous à ça, prenez votre texte, puis quand je vous encourage, si vous êtes pour enseigner les premiers temps, votre texte, prenez-le pas trop court. Prenez un texte long, pas mal plus facile. Prenez un texte long. Si moi, je devrais enseigner, mettons, dans Jean 3,16, j'enseignerai pas Jean 3,16, j'enseignerai Jean chapitre 16 ou 1-18. Pas mal moins long, pas mal moins de pointu, parce que là, je pourrais te parler que Nicodème qui est venu, c'était qui ça, ce gars-là, c'était qui ce pharisien-là, là, Jésus a dit ça, puis là, je pourrais faire pourquoi Jésus dit qu'il faut naître de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau, puis comment je peux naître de nouveau. Donc, je pourrais enseigner trois points, puis naître de nouveau, ça veut dire ça. Comment je peux faire ça? C'est en croyant que Jésus est mort sur la croix pour moi. Donc, c'est plus facile de même que si je prends Jean 3,16, je vais enseigner juste là-dessus. Je vais vouloir expliquer Dieu, amour, fils. Je vais vouloir expliquer les mots. Là, il faut que je fasse beaucoup plus de recherches. C'est beaucoup plus touché, beaucoup plus difficile. Donc, je vous dis, prenez un texte un peu plus long. 7, 8, 10 versets. Moi, j'ai tendance à faire de longs textes, plus longs qu'au début, quand j'ai commencé à enseigner. J'ai tendance à faire des longs textes. Tout de suite, j'ai enseigné l'Apocalypse, puis j'ai fait ça en 39 sermons, si je ne me trompe pas. Sur 22 chapitres, c'est-à-dire un sermon par chapitre, un sermon et demi par chapitre, même pas. Donc, j'ai entendu des gens enseigner 300 sermons, mettons, sur l'Apocalypse. C'est un sermon par deux, trois versets. Comme là, John Piper enseigne l'Épître aux Romains. 10 ans de temps, l'Épître aux Romains. Je pense que j'ai 15, 20 sermons d'écouter, puis il est rendu au verset 18, chapitre 1. Trois sermons, des fois par verset. Il a fait Romains 1, 16, trois sermons, Romains 1, 17, trois sermons. Et dans Romains 1,18, il a fait un sermon sur la colère de Dieu se manifeste, puis il a arrêté là. Puis là, il dit, comment se manifeste la colère de Dieu aujourd'hui? Là, il a dit des affaires qui ne sont pas dans le texte. Il a juste dit que la colère de Dieu se manifestait, Paul, il n'a pas dit comment. Toi, tu peux le faire. Lui, il a fait son sermon là-dessus. Par la maladie, par la mort, par les ouragans, par la maladie. En tout cas, il y a mis un paquet d'affaires que c'est la colère de Dieu se manifeste ici dans le monde encore aujourd'hui. C'est vrai, je ne peux pas dire que c'est faux son affaire. Mais est-ce que Paul avait l'intention qu'on lit l'Épître aux Romains de cette façon-là? Ben, je ne pense pas, personnellement. Mais la colère de Dieu se manifeste, donc ça veut dire que la colère de Dieu, oui, il aurait pu donner quelques exemples. Puis prendre, mettons, sur 40 minutes de sermon, on en prendre 4-5 minutes là-dessus. Puis continuer. Puis faire peut-être 7-8 versets sur 45 minutes. Mais lui, il a fait 45 minutes sur 3 mots. Et là, il est parti. Fait que ça, c'est long, ça. Ça devient du thématique. Dans ce sens-là. Et là, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux de se tromper dans l'interprétation de notre texte. Parce que là, lui a pris ça, il a pris un paquet de versets alentour. Il est allé de la Genèse à l'Apocalypse, du déluge, allé à Sodome et Gomorre. Il a fait la colère de Dieu s'est manifestée. Donc, ça c'est mon petit devoir. Puis là, j'ai marqué en bas, faire l'étude de trois noms et de deux verbes que vous avez besoin d'étudier dans votre texte. Voir l'exemple en appendice. Donc, descendez dans l'appendice. Voici un exemple d'une étude de mots. Étude du mot « liberté » dans 1 Corinthiens 8, 9. T'sais, j'ai fait une étude. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que dans ma tête, le mot « liberté » en 2009, je suis libre, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. C'est ce que ça veut dire. Le mot « liberté », c'est « je suis libre, je peux faire ce que je veux ». C'est ça que l'auteur a comme idée. Non, ce que j'ai fait, sens du mot dans le grec, se fait à partir de la concordance qui classe les mots à partir du grec. Dans votre strong nom, votre numéro strong, là. Ça, c'est ça. C'est ça que j'ai pris, là. Voyez-vous que dans le Louis II, LSG, c'est Louis II. Regardez comment ce qui a été traduit. Ce mot-là revient 103 fois dans le Nouveau Testament. Puis il est traduit autorité, supérieur, pouvoir, puissance, gouvernement, maître, juridiction, disposition, autorisation, exercice, liberté et droit. Je dis, hein, ça n'en fait des traductions. Le mot, il a un sens très large. Donc l'auteur a pu traduire ce mot-là, qui est le mot exousia, de toutes ces façons-là. Pourquoi il a choisi le mot liberté? Selon le traducteur, il croyait que c'était le meilleur mot pour ce contexte-là. Mais vous voyez que là, il y a tout c'est un pouvoir. La liberté, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir de choisir. Donc, là, vous pouvez laisser. J'ai fait ça. Ensuite, ça, j'ai descendu au numéro 2, c'est autre emploi dans 1 Corinthiens, ce que je vous ai fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, là. J'ai cherché dans 1 Corinthiens, à partir du chiffre grec, tu sais, du chiffre dans la Strong. J'ai dit, donne-moi toutes les places dans 1 Corinthiens où ce que ce mot-là revient. Est-ce que Paul a toujours traduit liberté? Est-ce que Louis II l'a toujours traduit liberté? Donc, là, j'ai marqué, j'ai sorti tous les passages. Remarquez-vous qu'il a traduit volonté. Mais celui qui a pris une résolution ferme, sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté, avec l'exercice de sa liberté, on pourrait traduire de même, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Donc, le gars, en décidant de garder sa fille vierge, il a exercé sa liberté. Là, lui, il a traduit par sa propre volonté. Donc, ma liberté, c'est une décision que je fais avec ma volonté. Personnellement, c'est moi qui fais la décision. Donc, j'ai fait sortir. Vous allez voir que le mot était traduit volonté, liberté, droit, autorité. Il était traduit de ces façons-là dans l'Épître aux Corinthiens. Dans la même Épître, si vous cherchez le mot exousia, dans le grec, c'est 3 fois la même chose, 4 fois la même chose, 5 fois la même chose. Mais dans le français, ils ne l'ont pas traduit de la même façon. Parce que dans le contexte immédiat, l'auteur pense que par le mot liberté, c'est mieux traduit par le mot liberté que par le mot propre volonté. Mais ça vous donne une idée du sens du mot que l'auteur a. Des fois, je traduis, moi, puis je vais dire, mettons, dans 1 Corinthiens 15, 24, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Là, je me disais, je l'ai traduit dans ma tête, je me dis, il a détruit, après avoir détruit toute liberté. Hein? Toute autorité, toute liberté. Toutes les gens qui ont pris les décisions personnelles, toutes les gens qui ont fait ce qu'ils voulaient dans leur vie, sans se soucier de ce que Dieu voulait, Jésus va les détruire. Parce qu'une autorité, c'est quoi? Lui, il prend une décision, puis il veut que tu fasses la même chose. Lui, il exerce sa liberté, puis il veut que tu fasses toi la même affaire. Donc, tous ceux qui ont pris leur propre choix, qui ont fait leur propre décision dans la vie, sans se soucier de Dieu, Jésus a dit, je vais les détruire à la fin. Donc, ça me donne une autre facette. Quand je traduis, il va traduire toute domination, toute liberté. Les gens dans le monde, ils veulent tellement être libres. Puis Jésus dit, moi, je vais tous les détruire, ces gens-là. Je me restais de dire, attention, ta liberté, mon François. La liberté 55, là, je ne sais pas quoi qu'il appelle ça. Liberté 55, comment tu appelles ça? C'est-tu comme ça qu'il appelle ça? Oui. Je vais dire, oh, attention, ma liberté 55. Es-tu en accord avec Dieu, ma liberté 55? Parce que Jésus va détruire toutes les libertés. Oh, tous ceux qui ont pris la liberté de faire ce qu'ils voulaient, il va les détruire. Donc, vous voyez que la nuance est belle, là, je trouve qu'elle est intéressante. C'est quelle liberté? C'est 1 Corinthiens 15, 24. Comment c'est traduit, toi, là? Ensuite arrivera la fin, le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle. Lui a marqué toute autorité aussi, et toute puissance. Le mot autorité, là, dans le grec, c'est le mot liberté. Mm-hmm. Et toute liberté. Comment je fais pour voir, là c'est 18, 49, le mot exousia. Ouais. Comment je fais pour le voir partout dans la OK, tournez vos Bibles online. OK, si vous prenez 1 Corinthiens, la première fois que j'ai trouvé ça, c'était où? C'était 1 Corinthiens 8, 9. Allez dans 1 Corinthiens 8, 9. Là, il dit, prenez garde, toutefois, que votre liberté... Là, si tu mets ton curseur sur 1849, tu cliques sur « Recherche », la petite lampe de poche. Ouais. Fait que là, si tu dis ça, tu dis « Recherche 1849 », là, mais il faut que tu marques ta limite, là. Je dis dans 1 Corinthiens. Là, je dis « OK, cherche-moi ça, là ». Puis là, il va me sortir que le mot revient 9 fois. Okay. Voyez-vous, là, vous faites? Depuis 1 Corinthiens 1. Ferme-en un des deux, ferme-tu là. Le fait que tu l'amènes. OK. Si tu l'amènes ici, dans 1849, mets ton curseur dessus. OK. Maintenant, clique sur ta lampe de poche. Il te l'amène là. Une fois, regarde. Mm-hmm. Puis là, faut que tu dises, je cherche juste dans 1 Corinthiens ici. Ah, OK. 1 sur 9. Je cherche juste dans 1 Corinthiens, c'est ça. Ici, il faut que j'aille mettre... Tu l'enlèves, ça, tu enlèves ce qui est marqué là. OK. Bon, là, tu peux marquer, tu enlèves ça, tu peux marquer juste 1, COR. OK, tu peux mettre juste le petit bout de verset. Non, il faut que tu le mettes ensemble. Il ne faut pas que tu mettes d'espace entre les chiffres et là. Quand je cherche là. Tu marques un Fakir, 1 Corinthiens ou 1 Thessalonicien, vous ne marquez pas d'espace. 1 COR, c'est correct. Là, tu dis cherche. Avec l'exercice. OK. Oui. Là, il va dire, regarde, il va le marquer ici. Le mot exousia, le mot 1849 revient 9 fois. Ouais, c'est ça. Okay. Là, tu sais que là, tu peux regarder comment il a traduit le mot exousia dans l'Épître aux Corinthiens. Là, je peux aller. Les là, tu pourrais dire, je peux faire mon. Étirer ça pour aller dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Là, c'est ça, j'ai marqué en bas de la page, dans votre l'exemple que je vous donne à l'appendice. Après l'avoir cherché dans 1 Corinthiens, je marque. Autre lettre de Paul, est-ce que Paul emploie ce mot-là ailleurs? Oui, il l'emploie dans Romains, dans 2 Corinthiens, dans Éphésiens. Vous voyez-vous? Vous descendez? C'est dans le numéro 3. Okay. Autre lettre de Paul. Paul, as-tu employé ce mot-là ailleurs? Oui, il l'a employé dans Romains. Romains 9, 21. Le potier n'est-il pas maître? N'est-il pas libre? De l'argile? Est-il pas libre de faire ce qu'il veut? Là, lui, il l'a traduit en français. N'est-il pas maître? Mais on aurait pu traduire facilement. Le potier n'est-il pas libre de faire ce qu'il veut avec l'argile? Ben oui. Mais on voit que le mot liberté n'a pas la connotation que nous, on pense qu'on fait ce qu'on veut, puis c'est love. T'sais. C'est le mot autorité, le mot maître, le mot supérieur, le mot droit. Tu dis, wow, wow, wow, wow. Ma liberté, c'est. Parce qu'on dit, j'ai des droits après tout. Je veux que mes droits soient respectés. Ce qu'on est en train de dire, je veux que ma liberté soit respectée. Quand je dis j'ai une liberté de faire ce que je veux, je dis j'ai le droit, j'ai l'autorité de faire ce que je veux. Je suis maître de ma vie. Mais nous, on dit, en tant que chrétien, on dit non, pas tout à fait. J'ai un maître au-dessus de moi, qui est Jésus-Christ. J'ai la liberté. Librement, je choisis d'avoir un maître. Librement, je choisis d'avoir un seigneur. Mais du coup, je l'ai choisi, il est mon seigneur. Là, je suis plus libre dans un certain sens. Oui, je suis encore là parce que j'ai choisi librement d'être là. Comme l'esclave qui choisissait de rester avec son maître le restant de sa vie, bien, il disait, je suis un homme libre. Je suis encore avec mon maître, mais je suis un homme libre. Dans ce sens-là. Ensuite, ça, dans le numéro, je peux aller plus loin, je peux aller dans le 4. Maintenant, je vais aller voir dans les autres traductions. Comment ils ont traduit le mot liberté dans les autres traductions? Mais je peux aller plus loin. Je pourrais dire 4. Je vais aller voir dans tout le Nouveau Testament. Si Jésus l'a employé, je peux aller dans toute la Bible. Mais dans toute la Bible, je ne l'aurai pas parce que c'est en hébreu. À moins que j'aille chercher dans la Septante. Si vous seriez bon en la Septante, si vous voulez chercher dans la Septante, des fois, Septante, c'est une traduction grecque de l'Ancien Testament. Fait que là, tu peux aller chercher dans le grec. Des fois, vous allez voir qu'ils vont, dans les commentaires ou ailleurs, ils vont vous citer la Septante. Puis quand Jésus parle dans le Nouveau Testament, et que Paul parle, trois quarts, 80%, 90% du temps, il cite la Septante. Il ne cite pas l'Ancien Testament en hébreu. La Septante était déjà traduite en grec dans le temps de Jésus, c'est ce que tu dis? Oui. La Septante, c'est 70, Septante, c'est 70, c'est 70 juifs qui ont traduit la Bible, l'Ancien Testament, en grec pour un roi égyptien. Les Égyptiens voulaient avoir la Bible des Juifs, mais ils ne comprenaient pas l'hébreu. Même les Hébreux ne comprenaient plus l'hébreu. Ils étaient pas assez... L'hébreu, c'était une langue morte au temps de Jésus. Au temps de Jésus, là, il lisait l'Ancien Testament dans les synagogues en hébreu. Il voulait peut-être que quelqu'un traduise en araméen, les gens ne comprenaient pas. Mais ça dépendait-il à qui il s'adressait? Non, il cite quasiment toujours la Septante. Parce que c'est la Septante qui était lue par tous les Juifs. On utilisait la Septante parce que les gens ne comprenaient pas l'hébreu. C'était une langue morte déjà au temps de Jésus. Dans les synagogues, on avait les vieux livres en hébreu. Mais s'il la lisait en hébreu, trois quarts des gens qui étaient dans la synagogue ne comprenaient pas. Il fallait qu'il la lise en araméen ou en grec. Parce que la plupart des Juifs comprenaient le grec. Comme dans le temps avec la messe en latin. Exemple. Voilà, bon exemple. On ne comprenait rien. Moi, j'ai compris ce que je disais dans les messes en latin quand je suis devenu chrétien. Parce que j'ai cherché qu'est-ce que je disais. Kyrie. Savez-vous ce que ça veut dire, Kyrie? Ça vient du mot curios, grec, qui veut dire Seigneur. Kyrie laïsson, ça veut dire Dieu soit béni, le Seigneur soit béni, le Seigneur soit loué. Kyrie laïsson, on disait ça dans nos réponses aux prêtres en latin. Ça veut dire que le Seigneur soit loué, que Dieu soit béni. Mais j'ai dit ça parce qu'en grec, le mot c'est curios, qui veut dire Seigneur. Curios, qui veut dire Seigneur. Je dis, Kyrios, Kyrie, ça veut dire la même chose. J'ai dit, ouais, ben oui, c'est du latin, du grec. Mais en tout cas. Fait que ça, là, ça va vous donner une idée. Puis quand vous allez lire vos 7, 8, 10, 12, 15, 16 traductions en français, ils vont avoir probablement pris chacune une des façons de le dire. Parce que quand tu fais une nouvelle traduction, tu ne peux pas la traduire de la même façon que Louis II l'a traduit. Ça sera juste deux Louis II. Mais le sommaire a pris des mots différents parce qu'il faut qu'elle soit différente aussi, sa Bible, là, parce qu'il ne peut pas traduire comme là. Ça n'en a rien, fait notre Bible pareil. Fait qu'ils prennent le sommaire, puis là, ils vont dire, autres, au lieu de marquer « N'est-il pas maître de l'argile? » Le sommaire pourrait dire « N'est-il pas libre de faire ce qu'il veut avec l'argile? » Mais nous, on dit « Ah, oui, je savais parce que je l'ai vu. » Paul l'a utilisé, le mot « libre ». Liberté, droit, autorité, maître. Donc, ça va vous aider à comprendre des nuances du mot. Moi, quand je dis « je suis maître de moi-même », ici au Québec, puis « je suis une personne libre », c'est pas sûr que le monde va voir la même chose. C'est pas sûr que le monde va percevoir que je dis la même chose. Mais pourtant, oui, c'est la même chose. Je suis maître, c'est-à-dire que je fais ce que je veux. Je suis libre, je fais ce que je veux. Mais si je suis libre, puis je fais ce que je veux, mais je vais me faire détruire. Parce que Jésus dit, va se dire tous ceux qui ont pris la liberté, faire ce qu'ils voulaient. Donc, je dois prendre ma liberté pour faire ce que Dieu veut. Je ne vais pas faire la liberté pour faire ce que je veux. Donc, c'est dans ce sens-là. Conclusion. Ayant fait cette recherche, vous pouvez comprendre le sens global du mot, mais le but est de trouver le sens spécifique du mot dans le texte que vous étudiez. Faites attention. Ça va vous donner une vue d'ensemble de l'auteur, comment l'auteur traduit exousia. Mais il faut faire attention de ne pas tout emmener ça. Hein. Mais ça va vous donner une idée. Quand vous allez vous autres parler aux gens, quand vous autres allez vouloir comprendre, la liberté, c'est de faire ce que je veux. Mais attention, c'est de faire ce que je veux, mais je devrais choisir de faire ce que Dieu veut avec ma liberté. Je fais le choix de faire ce qu'il veut. Donc, j'ai, c'est ça qui m'appelle, François, repens-toi et crois. Prends ta liberté et fais-le. Prends ta liberté et fais-le. Décide, fais-le. Donc, c'est le mot liberté, c'est pas je fais ce que je veux. La vraie liberté, c'est de faire ce que Dieu veut. C'est pour ça que Paul va dire dans Romains, vous étiez esclaves du péché, maintenant vous êtes encore esclaves, mais vous êtes esclaves de Dieu. Ou de la justice, ou de la vérité. Mais on est toujours esclaves. On prend le choix de qui on va être esclave. On prend le choix de qui on va avoir comme maître. OK? Dieu ou moi? La justice ou le péché? Le bien ou le mal? Qui on va prendre comme maître? J'ai la liberté de choisir. Donc, dans ce sens-là. Donc, ça, c'est votre étude de texte. C'est plus pointu, hein? Vous avez vu, c'est plus pointu. C'est des mots, c'est de la grammaire, c'est des phrases. Et là, puis quand vous avez fini, moi, je ne vous dis pas comment mettre ça en enseignement, là. L'enseignement, ça, c'est de l'homélétique, c'est pas de l'herméneutique. L'homélétique, c'est de prendre, toi, quand vous avez fini de faire toutes ces recherches-là, la prochaine fois, on va voir les commentaires, comment utiliser les commentaires. Quand vous avez tout fait ça, vous avez peut-être 50 pages de notes que vous avez prises, vous comprenez le texte. Vous le comprenez maintenant, le texte. Mais ça ne vous donne pas la capacité, peut-être la capacité de le partager à d'autres. Je prends mes 45 pages de notes, puis là, je m'en vais en avant, puis je vais vous dire ce que j'ai appris. Ça va faire 5 minutes, tu vas y parler, tu sais, là. Toi, tu dois prendre ça, puis d'en faire un sermon, qui va durer 35-40 minutes, puis tu ne diras pas tout ce que tu as appris. C'est impossible. Si tu as lu pendant 2 heures sur les pharisiens, tu ne leur diras pas tout ce que tu as appris. Ben non. Tu vas leur dire ce qui est pertinent dans ce qui est en train de se passer dans le texte que tu étudies. Parce que sans ça, tu n'arrêtes de finir à coup. Mais ça, c'est un autre cours, c'est le cours d'homélétique. C'est comment maintenant prendre la vérité que j'ai appris, que j'ai découvert, puis la partager avec un autre. Puis évidemment, à qui je le partage, mon homélétique va être un peu différent. Parce que là, si je partage ça avec un enfant, si je partage ça avec des adultes, si je partage ça avec des gens qui ont tous des pasteurs, si vous écoutez Don Carson, vous allez voir, il est pas mal plus difficile à suivre. Mon chum, il s'est mal écouté, lui, puis il a arrêté. Je ne suis pas. Je suis pas capable de suivre. Parce que la plupart du temps, Carson est devant des foules d'étudiants, de pasteurs, des conférences de dirigeants. Fait qu'il prend pour acquis que ces gens-là le savent. T'sais, je ne parle pas à une jeune de jeunes croyants. Une fois, il a fait un enseignement, Carson, ça. C'est en Jean 3. Puis il dit, je vais vous faire un enseignement comme si je le ferais à une gang de convertis. C'est bien différent. Là, il expliquait les mots, puis il leur disait, il a commencé à même leur dire, c'est Nicodème, c'est un pharisien, un membre du Sanhédrin, c'est quoi un Sanhédrin? Il a commencé à expliquer un petit peu des données, parce que, pas long, mais le Sanhédrin, c'est comme un peu le gouvernement au Québec, dans ce temps-là. C'était l'histoire des 10 hommes qui régnaient sur Israël. Il a continué. Mais quand il parle aux chrétiens qui sont des pasteurs, il dit, leur dit pas. Ils savent tout. Il dit pas ça. Fait que c'est bien différent. Donc, ça, c'est juste pour vous autres, à ce que vous appreniez à comprendre qu'est-ce que la Bible a dit. Mais un coup, tu l'as compris, tu peux l'expliquer à ta femme, à Josin, tu dis, hey, j'ai découvert ça aujourd'hui, bon, j'ai appris ça. Un pharisien, c'était ça. Ah! Bon. Fait que lui, quand il va lire sa Bible, ton mari ou ton chum, il va lire sa Bible, puis il va se souvenir que tu lui as dit qu'un pharisien, ça voulait dire ça. Fait que tu l'instruis, lui, tout, là, dans ce sens-là. Mais ce n'est pas un sermon du dimanche matin, dans ce sens-là. Donc, ça ne fait pas de vous des prédicateurs, ça fait de vous des meilleurs étudiants. Des étudiants, OK? C'est un début. Ça fait de nous des meilleurs serviteurs de Dieu en comprenant mieux les Écritures, tout ça, on devient des meilleurs serviteurs, on peut mieux servir Dieu, puis faire sa volonté. Moi, je dirais qu'on comprend mieux. On vient avec une meilleure compréhension de Dieu. Ouais. Parce que c'est pas ce que Carson il vous dirait, il te dirait, il dirait, un bon serviteur de Dieu, ça a juste une raison d'être, c'est de faire connaître Dieu. Dieu n'a pas besoin d'autre chose. En comprenant mieux, on peut mieux le faire connaître, c'est ça. Aussi. Le serviteur, mon service en tant que croyant, c'est de faire connaître Dieu. Je ne peux pas faire autre chose, parce que Dieu n'a pas besoin d'autre chose. Que je le fasse connaître, que je le glorifie auprès des gens. Fait que l'évangélisation, c'est un service que je fais envers Dieu. Dans l'Église, c'est un service que je fais envers Dieu. Je sers Dieu. Puis si je ne fais pas connaître Dieu à travers ce que je fais, je ne sers pas Dieu. Fait que si je sers peut-être une Église, je sers peut-être un mari ou un conjoint ou des enfants, mais si je ne fais pas connaître Dieu, je ne sers pas Dieu. À travers mon éducation avec mes enfants, je dois faire connaître Dieu. Dans mes services à l'Église, je fais connaître Dieu. Donc, c'est le but global. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, on va terminer par un mot de prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents que cette Bible-là a été écrite afin que des hommes et des femmes puissent la comprendre comme nous, les gens ordinaires. Mais on s'aperçoit qu'il y a du travail à faire, parce que c'est un livre qui est plus âgé, un livre qui a 2000 ans, qui a 4000 ans. C'est écrit dans une langue différente, dans une culture différente. On te remercie pour ces hommes, ces femmes, qui sont des chrétiens, qui ont consacré leur vie à traduire en français cette Bible qui a été écrite dans une autre langue. Mais c'est que des hommes et des femmes qui ont étudié toute leur vie afin que de traduire d'une façon qu'on puisse comprendre un petit peu la culture. Donc, Seigneur, on veut être de ceux qui étudions afin d'être des outils en tes mains pour révéler à notre cœur, premièrement, et pour révéler à d'autres autour de nous qui tu es, qui ton Fils est. On veut le faire avec plus de précision. Parce que notre but, c'est de te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen.